Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. Alors aujourd'hui dans Les Potes Calés, un gros spécial qu'on avait prévu depuis pas mal de temps. On va parler donc de cette icône du comic book qui représente Batman, qui fête d'ailleurs ses 80 ans. 80 ans, ça date, hein, il faut le dire. Hein. Et puis moi j'ai envie de te poser la première question, c'est comment tu as découvert Batman et ensuite qu'est-ce qui fait que tu aimes ce personnage quoi. Alors tu vois, Batman, tu disais 80 ans, waouh, ouais. Moi j'étais surpris, enfin pas maintenant parce qu'on en parle quand même beaucoup dans les plateformes, mais bon, moi je connaissais Batman sur les années 90 de France 3, c'est la première fois où j'ai découvert Batman. Donc évidemment à mon niveau, bah c'est pas aussi vieux que toi on va dire la connaissance du Bat, mais c'est là où j'ai pris une claque en voyant justement un super-héros bah, sans pouvoir, tu vois, il y a pas, à part le fait qu'il soit pété de blé, il n'y a rien de super, et qui résout des affaires et qui se bat contre plus fort que lui en utilisant un peu plus sa technologie et son intelligence, tu vois, à la Stark. Mais vraiment, puis champion d'arts martiaux avec ses sorties en même temps que tous les karaté kids et les trucs comme ça, donc ça a aidé beaucoup. Ouais, moi je suis un peu j'ai un petit peu un cheminement différent. Moi j'ai plutôt découvert Batman avec la série de 66 qui était diffusée sur Canal+ à l'époque, tu sais, dans les années 80. Et cette série qui était tardive, hein, la diffusion était tardive en France. Cette série très kitsch, dont j'ai retenu principalement, je vais dire, la Batmobile parce que c'était un beau jouet d'époque, on va dire. Avec les missiles qui te... Enfin, c'est le côté produit à dérivé qui parle en moi, mais... Non, pour l'époque, c'était bien, ça changeait. Mmh. On avait vraiment la voiture de Batman, c'était super identifié. C'est vrai que quand tu voyais son Batcopter, des trucs comme ça, ouais, bah, c'était un hélicoptère, hein, voilà. Oui, mais la voiture, il l'avait vraiment bien stylisé. Ouais, ouais, c'est sûr que là, c'était classe. C'était vraiment l'élément qui m'avait le plus marqué à l'époque par la série. Puis après, c'est vrai que j'ai beaucoup attendu le film de Burton et j'ai adoré, et j'adore toujours ce film. Je trouve pas que... particulièrement qu'il est mal vieilli, comme pourrait dire beaucoup, mais ça on en parlera plus peut-être en détail tout à l'heure. Et puis moi j'aime bien Batman, mais je préfère Superman parce qu'il y a le côté lumineux. Et voilà quoi, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que j'aime bien Batman, comme tu disais, il y a le fait que ce soit le seul et l'un des seuls super-héros DC Comics qui n'ait pas de pouvoir, donc il se sert de son intelligence, de ses capacités physiques qui sont quand même assez exceptionnelles, hein, faut le dire. Et voilà quoi, mais ouais, comme tu dis, on pourrait le comparer un peu à Green Arrow, mais enfin, c'est une moindre mesure. Green Arrow, je suis désolé, à part l'Arrowverse qui est ressorti, on va dire, 6-10 ans maintenant, Green Arrow, personne ne connaissait vraiment ce que c'était, alors que c'est un je sais pas qui copie l'autre. Hein. Il n'y a pas la même notoriété que... Voilà. De toute façon, les deux figures de proue de DC Comics, c'est les premiers personnages qui sont apparus à l'époque, c'était Superman puis Batman. Ah, c'est vrai que quand tu parles DC, ouais, direct, hein, direct, ouais. Superman, moi c'est vrai que t'es en premier, c'est Superman qui me viendrait, mais j'ai une grosse préférence pour Batman. Ouais, ouais. Puis après t'as Wonder Woman, t'as la femme forte, évidemment, qui a marqué aussi son époque, hein, quelque part. Puis après t'as tous les membres de la Justice League, mais si on commence à les citer, on a Green Lantern, on a Green Arrow, comme t'as dit, il y a Martian Manhunter, enfin bref, tous ces personnages qu'on retrouve souvent dans les séries, quoi, mais habituellement maintenant. Mais est-ce qu'on commencerait pas un petit peu par parler du comics, justement, vu qu'on était un petit peu dans les origines. Moi, je vais commencer en parlant un petit peu de Bob Kane, qui est à l'origine un dessinateur de comic strip, un petit peu dans le style humoristique. Et Bob Kane, c'est lui qui, un jour, il y a l'éditeur DC Comics qui lui demande de créer un nouveau personnage. Alors, ce nouveau personnage, au début, il est un petit peu kitsch, c'est-à-dire qu'il est habillé de rouge et il porte un masque, un masque de carnaval, hein, quasiment, et il a aussi des espèces de grandes ailes, tu sais, qui sont inspirées par, je vais dire, les croquis de Léonard de Vinci, qui avait imaginé une espèce de personnage avec des ailes mécaniques. Enfin, on peut s'imaginer aussi le truc, la formation. Le de Vinci a un petit peu inspiré aussi, ce que je dirais, le deltaplane, quelque part, par ce fait que l'homme peut voler, mais avec des ailes artificielles. Ouais, les fameux croquis de Vinci, ouais. Surtout pour, enfin, j'ai du mal à dire l'avion parce que c'était plus des ailes planeurs, quoi, et qu'on va retrouver justement un peu dans le graphique de l'époque. Dans le personnage du début. Donc lui, il pense à ce personnage, mais il y a un deuxième créateur qui lui n'a été que crédité, je vais dire, beaucoup plus tard, c'est Bill Finger, parce qu'on a beaucoup attribué la paternité de Batman à Bob Kane, mais il n'a pas été tout seul pour justement performer, je veux dire, améliorer le design du personnage. il a corté quand même le côté sombre du personnage avec ses espèces d'ailes, avec cette espèce de cape, des gants et tout ce qui est un peu les gadgets et surtout cette espèce de cagoule avec les oreilles en pointe. Ça, ça a été dans le design. Par contre, Bob Kane, lui, il s'est quand même inspiré des personnages d'époque, de ce qu'on appelle de comic strip, tels que je vais citer The Shadow, par exemple, Dick Tracy. Il y a aussi, c'était à cette époque, il y avait aussi des personnages comme Mandrake, le Fantôme ou le Spirit, mais il y avait aussi le Zorro qui a une grande influence d'ailleurs sur le personnage de Batman. Je pense que c'est même une relecture moderne de Zorro pour moi, Batman, quelque part. Je sais pas si tu le perçois comme ça aussi. Bah si, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, quand j'ai fait le rapprochement un peu récemment, c'est dur à dire parce qu'on est vieux quand même, mais en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça, De La Vega, en fait, c'est Bruce Wayne. Ouais, il est ça. Riche, il est peut-être blé. C'est juste que Zorro, lui, il n'inspire pas la terreur chez ses ennemis, mais plus l'espoir. Mais voilà, mais Batman, lui, bon, voilà, il est là pour inspirer la terreur à ses ennemis, pour leur faire peur, pour leur faire perdre leurs moyens. Mais bref, voilà, tu parles de la monture, là, c'est une grosse bagnole, là, c'est un beau cheval bien noir. Ouais. Tornado. Tornado, ouais. Voilà, le sourd et muet Bernardo qui. T'as carrément la Batcave aussi. Hein. Ouais, la Batcave, la Bernardo qui fait Alfred. Aussi. Enfin, plutôt Alfred qui fait Bernardo, du coup, dans ce sens-là. C'est ça. Donc, tu vois, épaulé, que deux personnes au courant, donc le majordome et le héros. Et puis, seul contre tous, quoi. J'ai raison, ma justice, c'est ça. Personne vient. Voilà, je défends les pauvres et puis, enfin, Zorro en plus ça. Je défends l'opprimé, la veuve et l'orphelin et puis, Batman, voilà, je défends la justice, ma vision de la justice, quoi. Ouais, il défend aussi la veuve et l'orphelin, hein. Ça lui arrive de sauver des gens plus que d'habitude et pas simplement de rendre la justice pour venger en fait la mort de ses parents parce que c'est un petit peu l'origine, c'est que lui, il sort d'un cinéma justement qui passait apparemment le signe de Zorro, un film avec Douglas Fairbanks qui est d'ailleurs une des inspirations de Bruce Wayne, et il passe dans une ruelle et il y a un certain Joe Chill, dont on apprendra le nom beaucoup plus tard, qui agresse ses parents, et comme le père Thomas Wayne se défend, eh bien il est tué d'une balle, et sa mère aussi, et se prend quasiment une balle perdue. Et étrangement, ben il laissera l'enfant complètement désemparé de la mort de ses parents, et c'est ça qui causera le traumatisme qui perdurera sur les 80 ans de sa carrière. Voilà quoi. Je citais Douglas Fairbanks, mais je peux citer aussi quelques références comme par exemple The Bat, qui est une espèce de sériole qui a été diffusée dans les années 20, où là justement on avait une espèce de méchant qui était déguisé en chauve-souris, et puis il y a aussi le côté Sherlock Holmes pour le côté détective privé. C'est indissociable du personnage. Bah c'est vrai que quand il est paru dans Detective Comics, c'est vrai qu'à l'origine super-héros, tu vois, à l'origine je suis pas sûr. C'était plus un détective d'ailleurs, c'est comme ça que Ra's al Ghul l'appelle, hein. Il l'appelle pas Monsieur le héros mais Monsieur le détective. Et c'est vrai que l'influence de Sherlock Holmes, parce que il réfléchit même pour battre ses ennemis, il y va pas au front tout de suite, des fois il prend entre guillemets son temps pour trouver la bonne stratégie et l'appliquer. Dans le Detective Comics justement numéro 27 qui est daté de mai 1939, justement là il commence un petit peu son travail de détective, et c'est souvent des brigands assez banaux, hein. C'est pas les grands méchants qu'on va commencer à voir dans les années 40 par exemple, avec donc déjà lui il y a Bruce Wayne, mais il se fait d'ailleurs appel The Batman. Alors, The Batman en deux mots. Et avant, ils voulaient l'appeler Birdman, mais c'était un peu ridicule comme nom. Et ils ont donc choisi de situer l'intrigue déjà à New York, parce que Gotham n'est pas arrivé tout de suite. Et c'est vraiment qu'en avril 1940 qu'on a commencé à voir le super-héros, en plus du détective. C'est-à-dire que là, il y a ce côté un petit peu vigilante. Batman est assez violent dans ses méthodes. Le Batman tue. Donc, il sort son code de 45 et il flingue tous les criminels qui lui passent devant. Que c'est un côté un petit peu millerien quelque part, et donc l'éditeur il est pas tout à fait d'accord avec cette espèce de mode de pensée, et il dit il faut alléger ça, il faut édulcorer le personnage parce que ça passera très mal auprès des jeunes lecteurs qu'un héros il flingue comme ça à tout va, quoi. Bah c'est ça, c'est parce que je pense qu'au début c'était peut-être pas spécialement Dick Tracy, c'était pas pour les jeunes lecteurs, hein, c'était pour un public un peu moins jeune, on va dire les Ainun comme on dirait au Japon, c'est-à-dire les ados, et là c'est vrai qu'ils ont dû se dire Moi, plus, je pense dans ce style-là, c'est merde, si on est interdit à telle tranche d'âge, on va vendre moins de trucs. Adoucis-moi le caractère, parce que là, sinon, on va avoir des gros soucis. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est la censure qui risque de tomber aussi. Mais c'est vrai qu'on avait tous ces espèces de strips, comic strips, que tu parlais, Dick Tracy, de The Shadow. The Shadow flingue aussi. Hein. C'est même beaucoup plus sombre que Batman, hein, The Shadow. Il y a eu l'adaptation avec Alec Baldwin, qui était pas mauvaise, mais bon. Mais dans les années 40, c'est vraiment la prolifération des grands personnages de la mythologie Batman qui arrive. C'est-à-dire qu'on a Gordon qui apparaît, on a Robin, on a Catwoman, on a le Joker, on a l'Épouvantail, le Pingouin, Double Face, Alfred aussi, le Riddler, et puis on a tous les éléments qui arrivent. Le nom de la Gotham, la Batcave, la Batmobile. Les années 40, ça a quand même une sacrée année, une sacrée décennie pour notre personnage, où là, il avait ce côté action et suspense pour revenir dans la continuité, quoi. Voilà, quoi. Mais ensuite, on a les années 50 et là, on est beaucoup plus dans l'allégé. On veut un truc beaucoup plus fantaisiste. On voulait du fun. Ouais. Oui, c'est ça. On avait pas mal de films de science-fiction qui sortaient, style Planète Interdite je prends une citation, mais donc il fallait mettre de la science-fiction, il fallait mettre du fantastique, il fallait mettre un peu d'horreur. Et c'est là qu'on voit apparaître toutes sortes d'extraterrestres un peu kitsch, quoi. De ce côté kitsch déjà, c'est pas non plus arrivé avec la série, quoi, la série de 66, c'est arrivé déjà dans les années 50. Ce que je veux dire, c'est qu'aussi t'as tout un pan de personnages qui apparaît, mais complètement ridicule. Alors je pense à Ace le bat-chien, à Mogo le bat-singe, t'as le bat-mythe. Alors le bat-mythe, c'est un équivalent de personnage transdimensionnel à la ce personnage. En fait, c'est l'équivalent de Monsieur Mixinplique dans l'univers Superman. Et d'ailleurs, Crypto n'est pas loin non plus quand tu penses à l'influence. Et voilà, quoi. Encore une fois, faut viser un autre public, hein. Faut attirer les jeunes, c'est pour ça. C'est ça, c'est. Plus édulcoré, des histoires qui sortent un peu de. Oh, j'ai du mal à dire, mais tu sais, de la mafia locale. C'est-à-dire que, début le Joker ou le Pingouin, c'est de la mafia locale, quoi. C'est, ouais. C'est tout. C'est les petits truands, quoi. Ouais, petits truands. Donc, bon, pour s'identifier aux truands, la fin de la prohibition, tout le truc comme ça, faut changer, faut aller au-delà. Donc là, ouais, on se diversifie un peu, et puis, autant diversifier les personnages. Ouais, c'est ça. On ratisse large. Et puis, bon, c'est cette décennie aussi qui a vu l'apparition des premiers crossover du style Batman Superman dans le numéro particulier de World Finest Comics, ou bien The Brave and the Bold, qui marque les débuts de la Justice League, tu sais, en 1960. Il y a aussi Alfred, à un moment, qui est dans une histoire, on voit que Alfred se transforme complètement en mutant. Il devient le mutant outsider qui a des pouvoirs psychiques, et tu vois, et c'est toujours dans la simplification des trucs, parce que il suffit à Batman d'inverser la polarité de la machine pour que Alfred redevienne normal, tu vois. Ouais. C'était pas très recherché. Non. Les solutions étaient bien tout trouvées. Ça fait penser au film de 66 où il a une bombe anti-balais ou des trucs comme ça, quoi. Mais je pense qu'on va pouvoir s'étaler tout à l'heure. Mais voilà, quoi, les années 50-60, c'est pas très, très glorieux pour Batman, hein. C'est même les pires, je dirais, hein. On a moins de personnages qui se sont créés. On a Batwoman, on a Mr. Freeze, Batgirl, Poison Ivy, le Redwood qui fait sa première apparition. Je savais pas que Redwood est apparu aussitôt. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus tard. Mais... Ah, moi, je croyais que c'était beaucoup plus tard. Genre un backup de la mémoire de Jason Todd, qu'on en reparlera plus tard. Je pensais qu'ils avaient essayé d'intégrer ça, mais non, l'univers était apparemment du Redwood. Déjà bien construit. Ouais. Alors, on s'éloigne ce côté vraiment fantaisiste pour revenir à un Batman plus sombre et plus, on va dire, ce retour au détective nocturne qui a fait les beaux jours du personnage dans les premières décennies, avec deux auteurs particulièrement inspirés qui sont Neil Adams et Dennis O'Neill, qui eux donnent vraiment un coup de sang au personnage. On a un Batman qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus musclé, tu sais, parce que avant c'était une espèce de gros lourdeau dans le style graphique. Ouais, on aurait dit un trapéziste ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça, il est simplifié au maximum dans les dessins. Mais là, on a quelque chose de plus élaboré, puis on a des personnages qui sont beaucoup plus sombres. Je pense à Man-Bat ou Ra's al Ghul, qui est mythique quelque part. Mais le 70, c'est vraiment une première étape vers ce que j'appelle le Batman vraiment mature, quoi. Il y a des prémices des années 80 où là, on élève le niveau des récits, le niveau des scénarios, c'est vraiment du lourd, hein, faut le dire. Je pense que les années 80 ont été très marquantes, notamment, on va dire, par deux auteurs qui ont été très forts dans ces décennies. Je parle de Frank Miller, bien sûr, et je parle aussi de Alan Moore. Alors, Darkman. Ouais. Frank Miller, c'est bien sûr le créateur de d'Electra, par exemple. Il a fait pas mal de romans, hein. Il a fait de romans graphiques, il a fait 300. Et il a fait The Spirit aussi, il a refait The Spirit en film. Pas Miller, c'est vrai qu'il a fait une version de Wolverine qui était assez sympathique. Celle au Japon, d'ailleurs. Il a un peu redynamisé un petit peu l'univers Marvel Comics, qui commençait un petit peu à s'endormir quelque part. Mais on n'est pas dans Marvel Comics, on va revenir au monde d'ici. Le pavé marquant de Frank Miller, c'est quand même Dark Knight Returns. Alors Dark Knight Returns, est-ce que tu te souviens un petit peu du scénario? C'est le Batman vieillissant qui rencontre un Superman qui est aux ordres du gouvernement et qui aime pas trop ses méthodes. Et il y a une histoire de mutants, il y a le Joker qui revient. Et c'est vraiment l'ultime roman graphique de Batman quelque part. Ah, c'est pas un univers que je maîtrise bien, le Darkman. Dark Knight Returns. Ouais. Darkman m'a fait embêter. Mm. Mais non, c'est pas vraiment quelque chose que je connais. Je connais un peu la trame de l'histoire. Mm. Je sais que là, du coup, c'est plus un combat entre les deux personnages. C'est ça. Si j'ai un peu de mal à dire combat. Et puis, c'est quasiment du what if, quoi. Mais c'est le vieux qui vient remettre les bases. Et le vieux qui morfle, hein, parce qu'on voit qu'il est très faible. Il a un peu du mal à battre le chef des mutants, parce que Gotham est quand même tombé dans une espèce de chaos ambiant. La criminalité a évolué, parce que lui, il a arrêté entre deux. Il a été un petit peu en retraite. Et quand il revient, c'est pour faire le ménage, mais quand même de manière rude. Et c'est pour ça que je parlais de ce personnage un petit peu rude dans les années 40 avec le Colt 45. Et là, c'est tout à fait ça. Il y a sa super armure et tout. On parlera tout à l'heure de Batman vs Superman, qui est très inspiré. Et voilà quoi. Mais il y a aussi Frank Miller, il écrit aussi Année 1, qui est une espèce de revisiter les origines, mais en beaucoup plus violente de Batman, avec la mort de ses parents, les premiers pas du jeune Bruce Wayne et aussi la jeunesse de Catwoman. Et on a aussi Killing Joke. Alors peut-être que tu connais un peu plus Killing Joke. Killing Joke, c'est d'Alan Moore et de Brian Bolland, par exemple. Ah, c'est The tournant dans la vie de Batman. Mm. Parce que là, pour l'instant, jusqu'à maintenant, Batman, il lui arrivait pas grand-chose. Bon, c'est un peu dur à dire. Hein. Il n'y avait pas vraiment de conséquences à ses actes. Là, dans The Killing Joke, il y a des pertes. Hein. Là, il y a son code moral aussi qui est remis en cause. Ouais, Batman ne tue pas, mais et ça va lui causer beaucoup de problèmes. Ça, Batman ne tue pas. Là, il est vachement torturé, hein, comme personnage, parce que il y a vraiment des proches qui sont torturés par le Joker dans cette histoire. Et que ce soit Jim Gordon ou sa fille qui devient paraplégique. Ouais, ou si carrément Todd qui devient carrément tué. Lui. Ouais, ouais. Et non, c'est pas encore celui-là. C'est dans Un deuil dans la famille. Ouais, d'accord. On en parlera après, pour pas confondre, mais c'est pas grave. C'est parce qu'on est dans les années 80 et donc les séries se télescopent un petit peu, je pense. Il y a cette espèce de torture permanente dans son esprit, aussi physique, parce que le Joker, là, il pousse vraiment Wayne dans ses derniers retranchements, et je pense que même s'il le fait pas, il est à deux doigts de le tuer, quoi, de le massacrer, quoi. C'est ça qui arrive dans. Et là, c'est vraiment une première étape vers le Batman obscur, le Batman vraiment qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Et ça continuera avec Un deuil dans la famille, justement, dont tu citais le pitch un petit peu. Est-ce que tu veux peut-être raconter ce qui se passe, justement, dans Un deuil dans la famille? Donc, de Jim Starlin, qui est d'ailleurs le créateur de Thanos, d'ailleurs, le Jim Starlin. Non, moi, je pourrais te dire juste le fait marquant, en fait. C'est-à-dire que Joker arrive à coincer Robin, qui est Jason Todd à l'époque. Donc, c'est le deuxième. Et puis, il le tabasse à coups de pied de biche, quoi. Enfin, pour le plaisir de tabasser quelqu'un, et puis, il l'élimine. Et l'anecdote concernant ce récit, c'est que Jason Todd devait mourir ou survivre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont lancé un sondage auprès des lecteurs pour savoir si Todd devait mourir ou soit il devait survivre, tout simplement. Et puis les lecteurs ont décidé. Apparemment, ils aimaient bien le personnage de Jason Todd. Donc ils l'ont fait décider de le faire mourir. C'est vrai qu'il avait laissé sa place de Dick Grayson, qui était devenu Nightwing. Était déjà Nightwing à l'époque. Il finit à coup de latte et c'est très brutal. Et puis, encore une fois, Batman, il est à deux doigts de massacrer le Joker. Hein. C'est comme ça. C'est la rivalité Batman-Joker. Elle dure depuis 80 ans. Quoi. Ouais, puis là, ça porte à conséquence parce que, tant pis, on va devoir spoiler, mais quand Todd va revenir d'entre les morts, c'est ce qu'il va reprocher à Batman. Tu m'as pas vengé. T'as même pas tué le Joker, tu m'as pas vengé. Ouais, mais est-ce que c'est pas un petit peu irréaliste de le faire revenir alors que tu le fais mourir? Bon, ça, c'est c'est DC et Marvel, hein, que ouais. ce soit tout le monde, personne reste mort bien longtemps. C'est vrai, c'est le problème. Ah, je peux vous citer juste l'exemple du Superior Spider-Man, et puis ouais. voilà, vous avez compris. Ouais, ouais. Ou bien Wolverine qui est mort il n'y a pas longtemps aussi, qui est revenu du coup depuis, comme Superman, hein, l'opération commerciale de la mort de Superman. Hein. Ouais, contre Doomsday. Oui, c'est ça. Ouais, contre Z, il ne s'est rien passé. Un coup de laser des yeux et on répare. On n'est pas dans Superman 4, mais bon. Comme tu dis, c'est toujours l'opportunité commerciale qui prime, quoi, quelque part. Jason Todd, est-ce qu'il avait vraiment besoin de le faire revenir? Dick Grayson, je comprends, la rigueur, parce que c'est une figure mythique. Voilà, quoi. Donc, les années 80, moi, pour moi, ils sont marqués par ces quatre récits. Et c'est des incontournables pour moi. Pour comprendre la mythologie Batman et l'évolution du personnage, c'est ça qu'il faut lire. Dans les années 90, on a quand même moins de références, je dirais. Enfin, moi, je dirais que je placerais en avant le Nightfall. C'est-à-dire que... enfin, on a l'apparition de Bane dans ce récit, donc qui est imaginé par Chuck Dixon. Et on a Dick Grayson qui devient Batman, parce que justement, Batman, lui, il se bat contre Bane, et il se fait briser la colonne vertébrale. C'est ça qui arrive dans le Nightfall. Et puis, on a aussi l'apparition d'Azrael, qui est une espèce de Batman un petit peu surexcité, même agressif. Lui, il a aucun remords à tuer les gens. Quoi. C'est vraiment le gars qui... Qui fait pas dans le détail. Veut faire entre guillemets son Batman, mais s'il faut tuer, il tue. C'est pas un problème. Quoi. Ouais. Il va jusqu'au bout. Enfin, on va dire, ce serait quasiment dans la mentalité du Joker. Quoi. C'est que seul le but compte. Tu vois. Après, les dégâts, on s'en fout. Oui, il faut des cadavres. Quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est clair. Puis aussi, on a l'apparition de l'Ordre de Saint-Dumas, qui est une espèce de secte qui remonte aux temps anciens de Gotham. Ou je confonds peut-être avec autre chose. Non, je pense que c'est une famille de Gotham qui organise une espèce de vendetta contre Wayne. Il y a tellement de choses à retenir que je pourrais pas tout vous citer. Et après, on finit par s'y perdre avec les motifs et tout. Ouais. mais de toute façon, c'est Nightfall. Il faut le lire de toute façon, rien que pour le récit de Ben. Bon, il y a une petite facilité scénaristique, c'est que à un moment, t'as pour guérir Batman. Je vais spoiler, mais c'est pas grave. Pour guérir Batman, pour qu'il revienne dans ses fonctions, justement, c'est que il fait appel à la magie. Et là, t'as envie de dire, Teddy, ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est magique. Tout à fait. Donc, mais c'est pour ça qu'il va entamer le fait qu'on a vraiment de beaux personnages qui sont bien écrits, avec une belle patte graphique. Ce qu'il faut dire aussi avec le Batman en venant à la magie, c'est qu'il a un rapport privilégié avec Zatanna qui est toujours resté très flou dans les comics. Ouais. Donc voilà, le ta gueule, c'est magique vient certainement de là, quoi. C'est ça. On parlera de Justice League Dark tout à l'heure. Justement parce que il a une grosse influence aussi sur ce groupe-là. Je vais continuer avec Un Long Halloween de Jeff Loeb et de Tim Sale, où là, ça fait une espèce de suite avec Amère Victoire, qui est... en fait, il y a eu un récit dans les années 90, une première partie, on va dire, où t'avais Harvey Dent qui combattait avec le clan Falcon. Et t'avais Batman qui justement s'insère entre deux pour soutenir Dent, justement. Ça rappelle un film d'ailleurs, mais on en parlera plus tout à l'heure. Donc c'est une influence, ça c'est un incontournable. Et c'est un récit qu'il faut lire aussi pour ce côté un peu plus... Batman, il est plus là dans le retour dans l'espèce de détective contre la mafia, tu vois. On va essayer d'arrêter les membres un par un. Il y a une espèce de psychopathe qui est entre deux, qui se fait appeler Holiday, qui lui élimine un peu l'entourage de Dent. Et on est plus dans le récit de Vendetta, tu vois, policier. On s'éloigne du super-héros. Un peu thriller, ouais, c'est ça, ouais. Le côté thriller qui vient. Et ça, c'est la première partie d'un récit que, bon, je vais sauter un truc, qui se situe lui, dans les années 2000. C'est Amère Victoire, par les mêmes auteurs, et où là on retrouve justement Harvey Dent a évolué en double face, donc il s'est pris un jet d'acide dans la tronche, et là il est complètement fou et il devient un mafieux lui-même, et il lutte toujours contre le clan Falcon, mais cette fois c'est pas du bon côté de la justice, c'est pour la guerre de territoire. Et justement on a encore une histoire de psychopathe qui arrive, qui s'appelle Hangman. Je vais pas spoiler, mais je trouve que d'un récit à l'autre, il y a un problème avec ces psychopathes, c'est que c'est des psychopathes qui sont toujours issus d'un clan, tu vois. Je trouve que ce côté-là est peut-être un petit peu faible dans les récits. Ouais, puis ça fait un peu copier-coller avec l'autre récit d'avant, ouais, mais c'est juste que maintenant, Dent c'est plus entre guillemets le gentil, c'est le méchant. Mais il faut bien qu'on essaye de pousser Batman à intervenir. On va lui coller un psychopathe dans les pattes. Ouais, c'est ça. En gros, voilà, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, parce que bon, Batman, s'il se bat contre la mafia, il y en a pour une soirée, quoi, quasiment. Ah bah oui, là. Ouais, ouais, ouais. Parce que les mecs sont pas non plus formés. Parce que Batman ne tue pas, mais il pète des gueules. Hein. ça lui arrive. Ça lui arrive d'écraser les gens et tout. Mais voilà quoi. Mais bon, je vais revenir en 1990 un petit peu pour un dernier récit. C'est No Man's Land. Alors No Man's Land, c'est un récit assez apocalyptique vu que Gotham a subi un tremblement de terre et du coup il y a un chaos complet. Il y a tous les criminels qui se baladent, qui pillent la ville, tout ça. Le gouvernement ne veut pas aider, donc Batman avec c'est un crossover. On retrouve un petit peu la Bat Family, c'est-à-dire qu'on a du Catwoman, on a Batwoman, on a Robin, on a Nightwing. Et tout ça, Red Hood aussi. Ouais. pas loin. Non, c'est toujours pour dire que tous ces héros, ils vont essayer de s'organiser pour justement maintenir Gotham dans le bon ordre. Et c'est un gros arc narratif, c'est-à-dire que c'est sur plusieurs numéros et il y a plusieurs auteurs. C'est vraiment un arc qui a été réalisé par un collectif d'artistes et de scénaristes et de graphistes. Qu'ils ont justement apporté chacun leurs idées et leurs concepts un peu de ces dérivés, de ces personnages. C'est une première grosse collaboration d'artistes. Hein. Pour moi, c'est le premier crossover de la Bat Family, si je peux appeler comme ça. Je pense même que c'est la première fois, enfin pas loin en tout cas, où tu peux dire carrément Bat Family. Ouais, c'est ça. Parce que là, vraiment, il y a tous les... Bat coéquipier, etc. À part Ace le chien, mais sinon, enfin, je veux dire, t'as pas Ace, cool. T'as pas Mogo, voilà quoi. Mais je veux dire, au niveau vigilant, comme tu dis, voilà, c'est tous les. T'as tous les justiciers, quoi, les justiciers de Gotham. Un rapport de près ou de loin avec Batman, quoi. C'est la Ligue des justiciers de Gotham, quelque part, on va dire. Ouais, les Birds of Prey de Gotham. On va en parler après de Birds of Prey. Non, ben, je vais revenir dans les années 2000. On a quand même pas mal de beaux projets. Ce qui est marqué dans les années 2000, c'est l'apparition de Damian Wayne. Alors peut-être que tu vas en parler de ce personnage de Damian. Wayne, donc forcément le fils de Batman. Ouais. Batman hein, qui a montré sa grosse aubergine à Talia al Ghul, ouais. Donc la fille de Ra's al Ghul. Mm-hmm. Et puis elle tombe enceinte après une manipulation, hein, c'est-à-dire qu'il manipule Batman. Mm. Et puis et puis Ra's al Ghul veut en faire un super soldat, hein. Enfin pas un super soldat, un assassin hors norme quoi. Ouais. Donc depuis qu'il est né, il est entraîné. Les techniques de combat de la Ligue des Ombres. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un moment où il va au clash avec Batman, et puis Batman se rend compte que c'est son fils, et puis maintenant Batman comprend que génétiquement, il peut être père, quoi, tu vois. Et c'est assez bien de voir ce Damian qui est ultra violent, qui essaye de s'adoucir au contact de Batman, et puis Batman qui s'adoucit justement en voyant ce truc ultra violent qui pourrait très bien être lui, quoi. Ouais, enfin, au départ de Batman, j'ai l'impression que il laisse un peu le boulot de mentor à Dick Grayson. C'était pas ton impression quelque part que Nightwing prenait plus en main Damian que Bruce, quoi. Bah Bruce a eu beaucoup de mal à le prendre en main, mais je veux dire, celui qui explique à Damian qu'il ne faut pas tuer si c'est possible, c'est quand même Bruce, hein, c'est pas Nightwing. Ah ouais. Ouais, c'est un gamin turbulent. Hein, ça, moi, je pense que de toute façon, il a une mauvaise réputation dans les fans parce que il a un côté un petit peu très, très turbulent, très, très enfant gâté. Ouais, puis c'est le premier enfant Robin de Batman qui. Si son père y a tort, il va le dire, quoi. Il va dire à Batman, non, je suis pas d'accord avec toi, je pars tout seul faire ma route, quoi. C'est vrai qu'au début, il a tendance à tuer, il fait un peu comme Azrael, il fait un pas à sa tête, il balance les mecs des toits, il lui arrive de casser quelques côtes aussi, parce qu'il est très fort, hein, Damien. Pour un gamin, je trouve qu'il est particulièrement puissant. Hein. Il est encore plus entraîné que Bruce Wayne aux arts du combat, parce que c'est Ra's al Ghul personnellement qui l'a entraîné. Ce qu'il faut dire, c'est que Ra's al Ghul en combat, il est plus fort que Batman. Donc évidemment, ouais, il est super fort, mais des fois, ça fait un peu cheater quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu... Ouais. Et Damien, de toute façon, au début, il suit quand même la voie de son père, parce que finalement, il apprend quand même le respect de la vie humaine. Bah, en fait, il suit la voie de son père parce qu'il commence à plus être d'accord avec la voie de... Ra's al Ghul. Non, de sa mère. Ouais. Oui. Là, c'est l'époque où Ra's al Ghul a disparu et sa mère se décide de... D'ailleurs, on parlera de, voilà, de la trilogie d'Damian Wayne. En gros, elle a fait un clone de lui, puis elle dit « Je n'ai plus rien à foutre, j'ai une version plus meilleure de toi. » Et là, il commence à plus être d'accord avec sa façon de voir. Ouais. Tu vois, il ne rejoint pas son père parce qu'il est 100% d'accord avec son père, mais parce qu'il est moins d'accord avec sa mère. Même, on peut dire qu'il va prendre son... Pendant un moment, il va même prendre l'habit de Batman, Damian, hein, pour succéder à son père. Parce qu'à un moment, on peut pas citer tous les... On va citer un petit peu tous les personnages qui ont pris l'habit de Batman. Bon, il y a eu Azrael, bien sûr. Il y a eu Dick Grayson. Et puis, il y a eu Damian. Qui ont été les Batman, on va dire, qu'on a pu voir à Gotham. Ouais, puis d'ailleurs, il y avait même eu un clash entre Dick et Damian. Parce que Damian disait... T'as aucune légitimité à être Batman, quoi. C'est ça, c'est que ce côté un peu turbulent, comme je disais, hein, toujours un petit peu un but de lui-même aussi, Damien, hein, quelque part. Mais en fait, c'est un sale gosse, mais un sale gosse surarmé, quoi. Donc c'est un peu plus embêtant. Il est très dangereux, hein, c'est quelqu'un de très dangereux. Et heureusement qu'il fait partie des bons, parce que je pense que Batman et Robin avaient du souci à se faire, à mon avis, mais bon. Parce qu'on le verra bien dans la trilogie Damien Wayne, c'est un adversaire qui est très coriace, hein, quand il veut. Voilà quoi. Mais je vais citer dans les années 2000, il y a quelques récits qu'il faut pas se contourner. Il y a Silence de Jeff Loeb par exemple, dessiné par le talentueux Jim Lee, par exemple. Où t'as l'histoire de Hush qui fait une espèce de chantage à Batman avec son entourage, tout ça. Et c'est un personnage qui est justement lié au passé des Wayne. Bon, je vais pas non plus déflorer parce que j'ai pas mal spoilé, mais je vous laisse découvrir. Il y a Under the Wood. Alors ça, c'est le récit dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu veux l'expliquer sur Ça doit être l'arc avec le retour de Todd. C'est ça. Alors tu l'expliques. J'ai du mal à expliquer parce que je connais pas bien l'arc, mais je connais bien le personnage de Todd, par contre. Ouais. Enfin, Todd, rien à voir avec Super Mario, hein, donc Jason Todd. Alors, revient d'entre les morts. Alors par quel miracle, je pense qu'il doit avoir de la source de Lazare dans l'eau ou quelque chose dans le genre. Ouais, c'est ça. Ce qui explique son côté maintenant où il réfléchit moins et est plus violent. Et puis Todd, il se souvient que le Joker l'a tué, il va tout faire pour se venger. Mmh. Et aussi, il va tout faire pour montrer à Batman que laisser ses ennemis en vie, c'est pas forcément une bonne idée. Quoi. Mmh. Ouais, il y a une espèce de vendetta aussi, quelque part, dans cette histoire. T'as les deux vendettas, t'as la vendetta, mais t'as aussi la vendetta psychologique. Mmh. Il veut montrer à Batman que psychologiquement, Batman, on tue pas, c'est une faiblesse. C'est un récit qui est quand même tout en tension. Il y a beaucoup d'émotions aussi, parce que il y a quand même le père et le fils spirituel, on va dire, quelque part. Donc il y a beaucoup de déceptions chez Redwood, chez Todd. Il y a aussi l'implication de Black Mask justement dans cette histoire. Je pense que c'est Black Mask qui aide un peu Redwood à émerger de son sommeil. Peut-être que je confonds parce qu'il y a tellement de choses à retenir que. En tout cas, il y a l'implication de Black Mask, ça c'est sûr. Black Mask est complètement taré. Hein. Black Mask, oui, c'est l'inverse de Bruce Wayne. C'est-à-dire que lui, il a tué lui-même toute sa famille parce qu'il ne mettait pas assez de temps à crever pour toucher l'héritage. Ouais, c'est ça. Et du coup, il s'est fait un masque avec le cercueil de ses parents et Black Mask. Ah oui, à ce point-là, ouais, donc, je suis vraiment le psychopathe de base. Quoi. Ouais. Il n'y a que des psychopathes chez Batman. Là, si tu prends le truc, même Batman, c'est un psychopathe. Ouais. Ce côté un petit peu névrosé. C'est le névrosé de DC Comics, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai retenu ? J'ai retenu aussi le diptyque Final Crisis, où là, justement, ce qui se passe, c'est que Batman est tué par Darkseid. Alors ça, c'est le gros crossover, tu sais, le Crisis on Infinite Earth, qui s'est fait sur trois périodes. Et là, justement, Batman, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'a pas vraiment été tué. Opportuniste, quand tu nous tiens. Oui, il a été téléporté ailleurs. Ouais, c'est ça, il a été téléporté dans une autre. C'est tout à fait genre à Darkseid, il a téléporté les gens au lieu de les tuer, tout à fait. Oui, il laisse personne en vie, lui. Hein. Oui, non. On sait bien comment il fait. Darkseid ne tue pas, c'est bien connu. C'est comme Thanos, il tue personne. Lui, Darkseid, il a. Je sais pas, c'est pas très clair hein, quand tu lis l'histoire, c'est que. Il le projette en fait dans un voyage temporel, dans le passé, dans trois périodes différentes, pour qu'il justement il recouvre un peu ses capacités pour intégrer son corps. Dans le présent. Ça m'a rappelé un autre arc, mais j'ai plus souvenir de ce que c'était. Mais peut-être que ça va revenir en cours de podcast. En tout cas, là, il y a plus un voyage, je dirais, spirituel dans le passé, avec justement où là, Bruce Wayne, il peut aller à la période des pirates ou à la période du Cro-Magnon, tu sais, toutes des périodes un peu où il y avait de grosses zones de combat. Où vraiment il doit se formater un corps physique. Voilà quoi. Donc c'est le retour de Bruce Wayne. Donc Bruce n'est pas mort. Ils ont un petit peu fait la même opération qu'avec Clark Kent et Superman. C'est-à-dire que. Justement, je pense que c'est ça que je voulais en parler. Parce qu'à un moment, il y a Clark qui voyage dans une espèce de plan mystique, un petit peu à la Doctor Strange, tu sais. Où justement il rencontrait son père Jonathan. qui lui disait « Oui, mais faut pas que tu restes mort, il faut que tu reviennes sur Terre pour sauver les gens, parce que on va voir pourquoi dans Justice League. » Mais voilà, mais... Et ça, c'est un petit peu l'équivalent, mais un petit peu déformé pour le retour de Bruce Wayne. Bon, après, t'as tous les relances. C'est-à-dire que t'as un reboot, parce que j'ai oublié de parler de Flashpoint en 2011. Tu connais un petit peu Flashpoint ? Flashpoint, j'ai vu que l'animé. Ouais, l'animé. Voilà, le comics, c'est un peu pareil. Hein. Ensuite, au Flashpoint, t'as eu deux redémarrages. T'as eu le New 52 et ensuite, t'as le DC Rebirth. Mais je pense que c'est plus des opérations commerciales. Sur le plan des récits, j'ai pas l'impression que ça apporte tellement. Enfin, moi, j'ai pas senti qu'il y avait vraiment un renouveau. Non, ils ont essayé de. J'ai du mal à dire repartir à zéro, parce qu'ils partent jamais à zéro, et d'étaler un peu toute la merde qu'ils ont fait. Parce que le problème, c'est que ce morceau, ça fait un édifice pas stable. Après, ils essayent de tout raser et de tout remettre à plat. Dans l'univers Ultimate de chez Marvel, ça a à peu près marché. Là, ça marche pas très bien. Non, ça marche pas très bien. Puis bon, à force de multiplier les univers et de faire table rase, parce que c'est ça en fait. Hein, ils ont un peu effacé toute la continuité qu'il y avait avec les années 80-90. Et ils ont tout fait. Ils ont remis des nouveaux personnages, parce que Flashpoint, c'était quand même particulier. C'était un peu une excuse aussi pour une nouvelle opportunité commerciale. Mais on sait bien que, comme chez Marvel, ils essayent de se renouveler, mais ça marche pas tellement. Après, comme tu disais, enfin, il y a quand même 80 ans, Batouné, c'est l'univers à peu près le même âge. Enfin, l'univers DC Comics, un autre univers à 4 milliards d'années à peu près. Et en fait, c'est assez compliqué d'avoir du renouveau, parce que tout a déjà été dit, et ce qui est pas. Voilà, c'est dur de se renouveler quand ça fait 80 ans que tu tournes sur la même licence. Bah ouais, et puis bon, les éditeurs de comics, en général, ils sont pas trop pour la prise de risque. C'est-à-dire que si tu as un personnage et qu'il remplace par un autre, on parlait justement des personnages qui ont endossé le costume de Batman, ça a pas tellement marché vu qu'il fallait qu'ils fassent revenir Bruce Wayne. Donc là aussi, ça a posé un problème parce que. Il y a le fanboy de base qui était pas très content apparemment que Wayne soit parti. Mais on va peut-être parler maintenant de la cour des hiboux, par exemple, de Scott Snyder. Là, c'est, je dirais qu'il y a un nouveau souffle, c'est-à-dire qu'on revient avec cette espèce de secte des temps anciens, du Gotham ancien. On avait eu tout à l'heure, je t'avais parlé un petit peu de l'ordre du Dumas. Ouais. Et là, t'as la cour des hiboux qui est une espèce d'organisation secrète qui développe un peu des codes génétiques pour rendre leur garde du corps un peu plus fort, tu sais. Avec, je pense notamment à ce personnage de l'ergo qui intervient. Il y a cette scène aussi où Batman se retrouve. Dans une espèce de rêve avec des illusions. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène, elle était présente d'ailleurs dans la version animée. Et là, Batman, il doit obligatoirement se faire aider de notre cher Nightwing, parce que là, il n'arrive plus à s'en sortir, quoi. Et puis, il y a aussi Damian qui vient à la rescousse quelque part. Et c'est là que tu te rends compte que peut-être que c'est un peu lourd, que le mec n'arrive plus à se démarquer de sa Bat-Family. Voilà ce que j'allais dire, à partir de, même un petit peu avant de ces moments-là, c'est plus Batman, c'est Bat-Family. Mm. C'est-à-dire que Batman n'est plus assez de lui-même. Il est obligé de se faire accompagner, parce que c'est toujours le même truc. Non, je veux pas qu'on m'accompagne, je fais ça seul, c'est trop dangereux, et puis après, c'est les autres qui le sauvent. Il y a toujours le Deus Ex Machina, je veux dire, un petit peu. Ouais, c'est un peu le Raphaël des Tortues Ninja, il veut jamais rien faire seul, mais c'est rien faire sans ses frères. Quoi. C'est clair. Bon. On va parler un petit peu d'un truc un petit peu plus léger. J'ai envie de parler de Batman Damned. Alors, Batman Damned, c'était une polémique qui a eu lieu en 2018. C'est-à-dire que l'éditeur DC Comics a sorti ce récit qui est signé Brian Azzarello et dessiné par Liber Mero. Alors, un récit très sombre, hein, que ce soit dans l'esprit ou que ce soit dans le graphisme. On a plutôt des couleurs ternes pour des... On a la présence de personnages comme tout à l'heure on parlait de la Justice League Dark. Il y a la présence de personnages comme Swamp Thing ou Constantine. Il y a Zatanna aussi. Il y a l'Enchanteresse. Et là il est pris dans le piège de l'Enchanteresse qui lui fait revivre les pires douleurs de sa vie, quoi. C'est-à-dire principalement le meurtre de ses parents. Et justement, il y a deux planches qui ont posé problème, c'est que justement, il y a le dessinateur qui a dessiné un Batman, même dans l'ombre, qui est dans l'ombre de la Batcave, et on voit le pénis de Wayne qui dépasse, quoi. Et ça a créé une opportunité commerciale. Pour moi, c'est plus une opération commerciale de DC. Ça a fait parler, hein, tout simplement. Ouais. Mais je crois que c'était le but. Hein, parce que ouais, dans la narration, il n'y avait aucun besoin de montrer son aubergine. Non, c'est clair. Voilà. Maintenant, est-ce que ça dérange? Parce que de toute façon, chez DC, on va dire quelque part que un éditeur qui sexualise à mort ses héroïnes, style Catwoman ou Harley Quinn. Ah bah, ou même Supergirl, enfin pas Supergirl, Power Girl. Ouais, Power Girl, j'avais oublié la blonde à forte poitrine. Ah, je l'ai pas oublié, moi. C'est vrai qu'il y a la blonde à forte poitrine, et à côté de ça, t'as un Bruce Wayne qui est dans l'ombre en plus. Bon, on distingue un petit peu, mais faut vraiment regarder. T'as l'impression qu'ils ont fait, ce truc pour faire parler, comme tu dis, c'est purement mercantile. Ça sent le coup de com. Ouais. Puis en plus, maintenant, t'as deux versions. C'est-à-dire que t'as la version avec le bas de pénis, on va dire. Et puis t'as la version où c'est gommé. Alors du coup, cette version avec le bas de pénis, elle explose aux enchères sur eBay, tout ça, parce que... Et c'est un collecteur. C'est un collecteur, ça y est, DC a réussi son coup, quoi, tu vois. Ouais. Voilà qu'on voulait un petit peu parler du bas de pénis, parce que... Bas de Freddy. Parce que bon, on dit que c'est un petit peu ridicule, puis moi... Dommage de résumer l'œuvre à ça. Un homme nu, je vois pas... Conclusion, moi l'histoire, j'en sais rien, je veux dire, j'ai retenu que le bas de pénis, moi, et tout ce qui tourne autour. Bah, c'est le problème, l'histoire c'est derrière, que, après tu t'en fous, quoi. C'est que vraiment que moi je me suis penché sur les différents avis pour voir ce que ça racontait, parce que le comics en lui-même, il est très intéressant. C'est vraiment un Batman qui est mystique, avec les personnages, comme je disais, de ce côté magique, le côté spirituel de DC, avec je citais tous les personnages, mais on en parlera aussi tout à l'heure, Justice League Dark. Mais c'est un Batman qui est vraiment à part des autres pour moi. Et puis c'est beau graphiquement, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très travaillé au niveau des personnages, des graphismes. J'ai dit, il y a des planches qui sont vraiment iconiques. Alors je pense à cette planche où il y a une scène qui est très explicite, où je pense que c'est Harley Quinn qui est en train d'essayer de violer Wayne, un truc comme ça. Et puis elle ouvre son devant, puis t'as une espèce de grosse cicatrice. Ça fait vraiment, on penche un petit peu dans l'horreur, par exemple. Tu vois, c'est une planche qui m'a un petit peu retenu. Je pense que c'est vraiment en plus c'était un récit qui fait partie du Black Label, c'est-à-dire que le Black Label, c'est tout ce qui est récit un peu mature de Batman. Ça a commencé il publie ce qu'on appelle le White Knight, par exemple, tu vois, qui est un what if dont on parlera tout à l'heure. Et il publie aussi les récits de Miller et d'Alan Moore, donc des trucs plus adultes avec du sang, un petit peu peut-être un petit peu de sexe aussi, mais plus dans cette veine infantile avec les personnages, il faut pas qu'ils fassent ça, il faut édulcorer le truc, tu vois. Donc vraiment, il y a vraiment chez Batman aujourd'hui, maintenant, il y a ce qu'il y a pas vraiment chez Superman, je trouve. C'est Superman, on est un petit peu toujours sur les mêmes tons. C'est le Boy Scout. Hein. Ouais, même avec les nouveaux récits, tu sais, avec son fils tout seul, avec Loïs, je trouve que c'est un petit peu plat et que. Bon, ils n'arrivent pas vraiment à se renouveler avec Superman. Par contre, avec Batman, il y a toute une série qui fait que on peut classifier par référence. T'as le Black Label, t'as les DC Comics classiques, et tu trouves ton compte, quoi. Finalement, c'est ça. Il ratisse plus large que Superman, ouais, c'est ouais, sûr. C'est ça. Voilà, quoi. Pour la partie comics, je pense que on a déjà pas mal parlé, et je pense qu'il y a pas mal de références dont vous pouvez vous baser. Et je pense qu'on va passer à la partie les films et les séries, si tu veux bien, Teddy. Ok. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. You're ready to move, hein? Donc deuxième partie, plus sur les films et les séries. Bah, en fait, on va attaquer tout de suite sur la première série que je pense que tout le monde a connue. Ouais, je vais peut-être dire avant que il y a eu des serials dans les années 40. C'est-à-dire que ces serials, c'est des formats de 15 minutes qui étaient diffusés dans les salles de cinéma avant les films, en fait. Justement, ces serials, ça a formé un gros film de je sais plus combien il y a des épisodes, je pense qu'il y en a 7. En tout, un film de 1h30, tu sais, dans l'époque. Donc les sérieuses, donc on a les deux de qui sont réalisés par Lambert Illawarra et Spencer Gordon Bennett. Donc le Batman a été incarné par Lewis Wilson et Robert Lowery. On a eu aussi un Batman et Robin. Ouais, c'est pas très marquant. On voit beaucoup de photos en noir et blanc où les personnages ont plutôt des costumes ridicules. Ouais, puis c'est super confidentiel aussi. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment pour les fanboys, quoi. C'est, je sais même pas si c'est disponible sur Internet, en fait, c'est sérieux. C'était juste pour l'anecdote, quoi, mais je pense qu'on peut, je peux te laisser la parole pour le Batman de 1966. Alors, Batman de 66, ouais. Qui est sorti chez nous pas en 66, j'irais dans les années 80, ouais, moi. Donc, forcément, le truc, je pense qu'ils avaient comme ordre de rendre ça bien lisse. J'ai un peu de mal à dire. Bon, c'est kitsch, on va dire, c'est complètement kitsch. Complètement. Mais... c'était tout public, ça a le mérite au moins de faire connaître le personnage de Batman, même si il n'est pas aussi gay dans tous les sens du terme, ce Batman. Ouais, donc cette série elle est produite par William Dozier. Alors William Dozier, on connaît aussi parce qu'il a produit la série Le Frelon Vert. Donc cette série qui était rendue célèbre grâce à la présence de Bruce Lee, qui a fait connaître Bruce Lee d'ailleurs. Il y a eu d'ailleurs des crossovers entre le Frelon Vert et Batman, hein, où ils enquêtaient tous les deux sur des enquêtes qui sont plutôt farfelues, hein, on va dire. De toute façon, c'était farfelu, hein, l'esprit de la série. Au casting, on retrouve Adam West. Alors lui, il est indissociable de Batman parce qu'il n'a pas fait grand-chose après. Il y a Burt Ward qui joue le rôle de Robin. Et il y a dans le casting, au fond, il y a un acteur que j'aime beaucoup, c'est Burgess Meredith. Alors Burgess Meredith, il joue le pingouin. Mais moi, Burgess Meredith, je l'adore parce que c'est l'entraîneur de Rocky avec Sylvester Stallone. Un rôle qu'on aime beaucoup. Ouais, c'est Polly dans Rocky. Non, Mickey. Mickey. Polly, c'est son beau-frère. Ouais, je confonds les deux. Non, c'est Mickey, l'entraîneur de Rocky. Ça, j'ai pas dit Adrian. Il y aurait un problème, là. Puis t'as le fantastique, je veux dire, César Romero qui joue le Joker. Alors, un Joker qui étrangement a une moustache blanche. Je sais pas si t'as remarqué, mais... en fait, ce qui est arrivé pendant le tournage, c'est que César Romero ne voulait pas raser sa moustache. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un, d'ailleurs. Carville, hein. Henri Carville. Et lui, ce qu'il a décidé, c'est qu'il a peint par-dessus sa moustache. Et donc, ça se voit bien, hein, quand même. Là, il n'y a pas de retouche numérique, hein, donc on voit bien qu'il y a pas, il y a mis du maquillage par-dessus sa moustache. Il n'y a même pas de numérique à l'époque. Hein. Mais bon, c'est très kitsch. Les médecins, les vilains sont assez fidèles aux comics, je veux dire. Même si on a développé un peu, ils sont un peu moins cyniques. Ils sont toujours dans la blague. Ouais, c'est une série comique, hein, c'est pas une série de super-héros. Hein. Ah non, pas du tout. Non, on est vraiment dans du léger. Hein. Ouais, comme à un moment, ils rentrent par effraction quelque part, Batman et Robin. T'as Batman qui fait « Oh, ne lâche pas la grille dans la rue, Robin !» Voilà, puis ils mettent la... Enfin, ouais. Ils disent « Qu'est-ce que ça vient foutre là, les mecs ?» Ouais, puis il y a ces scènes cultes du style le requin, tu sais, quand il est attaqué par le requin. Ça, c'est dans le film. Oui, parce que ça a été précédé d'un film qui est sorti au cinéma, d'ailleurs. Ouais, hein. S'ils ont réussi à faire un film. Et sortir ça au cinéma, avec tous les... Je vais dire tout le visuel un peu kitsch qu'il y avait, c'était un petit peu difficile. Mais bon. Puis il n'y avait que des Deus Ex Machina tout le temps, c'était rigolo. Ouais. Quoi. Non, mais c'était quand même. Le scénario était quand même très, très ringard parfois. Hein. Je vais oser le terme. J'ai même pas vu qu'il y avait un scénario. Parce que ça se répétait. Hein. Bon, allez, il reçoit un appel du téléphone rouge, tu sais, du commissaire Gordon. Ah, Batman, faut venir à Gotham, parce qu'il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Il y a la Ligue des Vilains là, qui fout un peu le bordel, donc il faut venir. Hein. Ouais, et puis, bien, hein. il sort avec sa Batmo. Il y a aussi l'histoire de quand ils descendent de la barre de pompiers, ils sont habillés direct. Ouais, ça, c'était formidable quand même. Non, puis la police de Gotham, pas très efficace. Non, du tout, hein, ils sont nuls. Même. Non, ça fait genre, il y en a un qui a pas payé un PV, on envoie Batman. C'est ça, c'est un petit peu ça. Donc ils prennent leur Batmobile, puis tout d'un coup, t'as une espèce de truc qui se lève, là, un rocher un peu bidon, puis puis la Batmobile, comme je disais tout à l'heure, elle est iconique, c'est l'objet culte qu'il faut posséder dans sa collection. Quoi. Voilà, quand ils arrivent, et puis t'as le requin, t'as l'histoire de la bombe, là, quand ils courent après la bombe sur le port, là, ça vaut mille. Ah, toujours dans le film, ça. Aussi. Mais ce film, ouais, si vous voulez pas vous taper toute la série, parce qu'il y a quand même 120 épisodes, que ça a duré 2 ans. Bah, ils ont quand même réussi à faire 120 épisodes de ce truc. Ouais. Bah, y avait du matériel, mais bon, mais j'ai l'impression que de toute façon, d'une saison à l'autre, à mon avis, les histoires se répétaient, quoi. Ils pouvaient pas faire autrement, d'ailleurs. Oui, donc, tout, plein de scènes cultes. Je pense aussi dans la scène dans le film où il grimpe le long d'un building. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. On voit carrément qu'il marche sur un mur, quoi. C'est indissociable, ouais, ouais. Quoi. Non, on est vraiment dans le truc allégé, quoi. Dans le truc de divertissement, quoi, familial. C'est tout à fait l'esprit. Voilà, quoi. Mais, pour le Batman, t'as plus rien à dire sur notre ami Adam West. Adam West, que moi j'ai revu récemment, j'ai pris un coup de vieux, dans un épisode de The Big Bang Theory. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, tu vois, comme quoi, tu me disais, il est indissociable de Batman. Ah, c'est ça. Sheldon n'était pas content, quand il était petit, il voulait Batman à son anniversaire, et du coup, Léonard invite Adam West. Ah ouais, direct. Ouais, voilà. Il aurait pas pu éviter Michael Keaton. Non, mais en plus, ouais, puis à un moment, il parle dans la voiture avec les autres, il fait vous êtes mon je sais plus combien tième de Batman préféré, et il sort tous les autres avant, même George Clooney, quoi. Ah ouais, oulo, l'insulte. Donc voilà, c'est. Ouais. Autodérision, ça passe avec Adam West. Non, bah, je vais peut-être dériver en disant que Adam West est revenu dans une série de deux épisodes qui s'appelait La légende des super-héros 1979. On va dire que c'est une espèce d'hommage. Mais il y a surtout un téléfilm en 2003 dans la grotte de Batman. Alors là, c'est. T'as le duo West et Ward qui reviennent, mais dans leur propre rôle, pas dans le rôle de Batman. Parce que le scénario est quand même digne d'un épisode de Batman 66. C'est-à-dire qu'il y a un mystérieux vilain qui vole la Batmobile. D'ailleurs, on se rend compte quand même que dans la Batcave, c'est comme dans un moulin. Tout le monde y rentre. Et donc, ces deux acteurs, ils doivent enquêter sur la disparition de la Batmobile. Et ils retrouvent quelques têtes familières, comme le Sphinx, ou tu sais, les acteurs qui ont incarné les personnages. Ceux qui n'étaient pas encore morts, qui pouvaient faire un comeback. Le Sphinx ou Catwoman, si je me souviens bien. Enfin, bref, c'est très kitsch, mais je pense que c'est un film ça fait un petit peu fan-film, hein, tu vois, au niveau visuel, tout ça. À un moment, même, ils remettent leurs vieux costumes, alors qu'ils ont un petit peu pris d'embonpoint, les mecs. Ils sont plus de très de première jeunesse. Mais c'est toujours joyeux de revoir ça, quoi. Puis là, je pense qu'on va partir sur du plus sérieux. Hein. On va faire un bond de quasiment de 20 ans, quoi. En 1989, enfin, Warner Bros. Se décide à adapter le super-héros, mais dans une version, je vais dire, sérieuse. Hein. Un peu comme l'avait été Superman en 78 avec Christopher Reeve. Et là, il recrute Michael Keaton. Alors Michael Keaton, il a quand même eu du mal à hériter du rôle, parce que dans l'anecdote, ils disent que les fans, ils ont gueulé contre lui parce qu'il connaît pas du tout, il n'y avait pas la carrure, il n'y avait pas la prestance et tout ça. Mais Tim Burton a tenu bon et il a finalement imposé son acteur. Il y allait à la menace. Hein. Tim Burton il a dit écoutez, c'est Keaton, vous trouvez un autre réalisateur. Puis il avait déjà Jack Nicholson en face. Donc quelque part, quand le Batman est sorti, on voyait plus le nom de Nicholson que celui de Keaton parce que c'était le Joker et puis Nicholson avait plus de notoriété. Je suis désolé, mais la prod s'est vengée. Hein. Ils ont fait toute la com sur Nicholson. Ah ouais, faut dire aussi, Nicholson est très bon dans ce film. Oui, il est vraiment excellent, quoi. Bah pour moi, je vais dire tout de suite, c'est le meilleur Joker. Parce que pour moi, c'est Jared Leto. Non, je déconne. C'est César Romero. Tapez pas dans les commentaires. César Romero. Il est vraiment bon, lui. Non, c'est vrai que moi, j'adore Jack Nicholson en tant qu'acteur. Et il fait un boulot incroyable dans ce film. Hein. Je sais pas pour toi, mais il bouffe l'écran, puis il éclipse tous les autres acteurs. Il a carrément pris son rôle à bras le corps. Hein. Oui. Je suis désolé, il aurait pu faire un truc un peu plus sérieux, comme dirait le Joker. Ouais. Mais non, c'est un bouffon, quoi. Je joue un bouffon jusqu'au bout. Il est dans l'outrance, quoi. Il est complètement dans le surjeu, quoi. Puis Jack Nicholson, il, même déguisé en Joker, il a une tête de psychopathe et ça aide. Puis on voit que même derrière le maquillage, ce qui est bien chez Nicholson, c'est que tout le sadisme du personnage, la cruauté inhérente au personnage, elle passe par le regard. Il a un regard qui est très inquiétant. Je sais pas si t'as fait cette impression-là, mais quand tu le vois, que ce soit dans les vidéos, sur les images de promotionnelles, t'as tout dans le regard, je veux dire. Même il y a même sourire. Pas besoin de parler. Quoi. Dans le sourire aussi. Ouais, dans le quand sourire. Tu regardes The Shining, ouais. Quand tu le vois sourire à la porte, tu dis bon, je vais plus dormir pendant deux semaines, hein, c'est pas grave. Je pense que de toute façon, Burton avait vu Shining et il s'est dit, c'est lui qui me faut, quoi, pour faire le Joker, tu vois. Ah bah ouais, là, c'est clair. Là, il s'est dit, il faut un gros psychopathe et on va prendre Nicholson, quoi. Ah, Nicholson, voilà, ouais. C'est ce que je dis. Il fait le psychopathe et le bouffon en même temps et ça passe nickel. Ça passe nickel. Il y a toutes ces scènes avec lui, elles sont jamais ridicules, quoi. Je trouve que ça passe très bien et comme je dis, Michael Keaton, j'aime beaucoup le Bruce Wayne de Michael Keaton, mais il est complètement éclipsé par Nicholson et c'est un peu le problème. Mais moi, Batman, ça reste l'ennemi film culte, et notamment parce que il y a toute cette ambiance, tous ces décors de Gotham qui sont très gothiques, très très sombres. je ne sais même pas souvenir qu'il n'y a pas beaucoup de scènes de journée hein, dans ce film-là. Et t'as aussi le design de la Batmobile qui est vraiment qui s'accorde bien avec, je dirais, avec l'environnement, parce que elle est vraiment classe. C'est l'une de mes Batmobiles préférées. C'est vraiment l'aspect fantomatique qui ressort du véhicule, quoi. Ouais, c'est une Batmobile Tim Burton. Hein. Ouais. C'est stylisé, c'est... C'est fantasmagorique, quoi. Fantasmagorique, ouais, c'est gothique, quoi. Ouais. Il y a un sacré travail sur la photo, sur les décors, sur les costumes. Bon, ce qu'on regrette un petit peu, c'est que Michael Keaton est un petit peu à l'étroit dans son personnage. On voit qu'il a un peu du mal à bouger la tête ou à faire un petit peu d'arts martiaux. Il est un petit peu moins souple. C'est-à-dire que c'est le problème du costume, c'est qu'il est très rigide. Ils ont un petit peu arrangé ça dans le suivant. Mais là, on voit vraiment que c'est tout juste, il peut tourner la tête. Encore 89, hein. Ouais. Ouais, pas de costume dégueulasse de Green Lanterne en numérique, c'est un costume, faut le porter, c'est tout. C'est ça, il y a même pas d'effet numérique, il y a que de l'artisanal dans ce film en fait. Ouais, hein. Que du travail sur plan, du numérique et puis. Même l'explosion de l'usine, quoi, c'est pas numérique, c'est à l'ancienne, quoi. Tout est fait à l'ancienne dans tout ce film. Tout est fait à l'ancienne. Ouais. En même temps, voilà, c'est ancien. Est-ce que toi t'as un avis sur ce film? Est-ce qu'il fait partie de tes préférés? Il y a pas beaucoup de films de Batman que j'ai aimé. Ah, celui-là, ça va, c'était correct, hein, ça change de Batman avec George Clooney. Ah, je viens d'étouffer Fabien. Sinon, ouais, voilà, ce film est regardable. C'est un gentil qui est pas très gentil avec un méchant qui est pas trop méchant. C'est vrai. Donc voilà, puis que t'as Nicholson dedans, puis qui se prend plus au sérieux, il te sort un pistolet avec un gun, enfin avec un canon qui fait 3 mètres. Ouais, tu te dis bon, ben je. Il éclate. En plus, son pistolet, bon, je suis un peu outrancier aussi. Ben voilà. Il éclate la Batwing. Ouais, il éclate. Censé être blindé, quoi. Voilà, puis là, il tire des missiles, des machins. Batman tue pas, mais il a des missiles sur son sur son équipement. Si, il tue. Je crois qu'il balance un mec d'un toit, là, au moment, je pense. Ouais, mais bon. Voilà, c'est un bon, c'est un Burton, c'est un bon c'est Burton. C'est culte, quoi, ouais. Mais c'est pas un bon Batman. C'est pas un bon Batman, pardon. C'est un bon Burton. Ouais, non, mais on a c'est un cartoon. C'est différent, mais moi, je trouve que c'est un excellent film et que c'est un film culte. Ça reste mon préféré, peut-être parce qu'il y a un affect, parce que j'ai découvert au cinéma et que j'ai adoré. Je suis désolé, mais en plus, moi, je trouve que c'est ce film-là qui a relancé la licence des super-héros. Ah oui, oui, oui. Je suis désolé. Avant, ouais, Superman, si, c'était bien, machin. Ouais, ouais, ok, d'accord. Mais alors, à partir de là, voilà, ils se sont dit, tiens, il y a quelque chose, il y a moyen, on peut faire quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une crevasse hein, entre Superman de 78 et le Batman de Burton, même s'il y a eu les suites de Superman. Hein. Mais ils ont essayé de faire les suites de Superman. On a eu Supergirl qui était catastrophique aussi. Je sais pas si tu te souviens de Supergirl, mais bon. Oh, je m'en souviens. Ouais, ouais. C'était vraiment nul. Ah, puis les effets spéciaux, on aura du Thor Ragnarok. Oh, c'est horrible. Ouais. Non, mais bon, pour l'époque, encore, c'est pas trop vilain, mais le scénario il était vraiment naze. On n'a pas ce niveau d'ambition artistique, je veux dire. C'est vrai que Burton, il voit pas que son film, hein, il voit sa réal, mais il faut absolument que ça claque dans ta vue, tu vois, que tu t'en souviennes. La conclusion, la Batmobile, tout le monde s'en souvient. Ah, oui. Sa façon de bouger, les bruits, les décors gothiques, la nuit, un peu comme la série Flash, quoi. Je me souviens plus des décors que de la série en elle-même. Pas celle de maintenant, hein, Flash. Non, tu parles de celle des années 90. Ah ouais. Batman de Burton, non, culte. Toujours grand plaisir à revoir ce film. Rien que pour voir Nicholson. Ouais, bah, franchement, c'est Nicholson qui pouffe tout. Hein. Il est au-dessus de tous les autres. Hein. Non, bah, je pense que j'ai terminé pour Batman. On va peut-être passer au suivant qui est sorti en 1992, toujours de Tim Burton. Et là, je pense qu'il met quand même un palais plus haut. Parce que là, il fait un film sur les vilains, il fait pas un film sur Batman. Là, on a quand même, je vais dire, trois vilains dans ce film. On a la magnifique Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman, version Selina Kyle, je veux dire. Il y a aussi... j'ai oublié Catwoman. Et le pingouin. Ouais, le pingouin de Vito. Vito, il est vraiment très bon. Et encore une fois, c'est le méchant qui sauve la licence. Ouais, ouais. De Vito en pingouin, comme Nicholson, il s'est lâché dans le film, quoi. C'est du grand De Vito, malgré qu'il est pas très grand. Non, puis avec tout le prothèse, tous les masques qui parlent, tous les masques qui portent. C'est vraiment, il y a un vrai jeu d'acteur derrière. Il y a vraiment une sensibilité, et puis on voit que le mec, il veut s'investir dans le rôle. Parce que tu prends Pfeiffer, elle fait plus Barbie salope, tandis que pingouin, il fait vraiment. Elle est vraiment très bien, moi je trouve. Elle est bien, mais ça fait. Je suis désolé, ils l'ont trop sexualisée. Ah bah ouais, mais bon, l'iconisation en ce temps-là, ça posait pas problème, quoi. Bon, c'est vrai, en plus, c'était embauché pour ça à l'époque. Oui. Mais quand tu vois le pingouin, voilà, c'est. Le mec, il a quand même un plan derrière. Je l'ai pas vu arriver, moi, dans le film, ce plan. D'aller enlever tous les enfants. Non, je l'ai pas vu arriver. Le troisième méchant, c'était ? Bah pour moi c'est le premier méchant, c'est Max Schreck qui est joué par Christopher Walken. Alors c'était l'employeur à Senior Kane, si tu te souviens bien. Christopher Walken qui est un immense acteur, hein, faut le dire. Mais il est un peu plus en retraite par rapport aux deux autres parce que lui il est un peu plus, il a moins de maquillage, je vais dire. Il porte pas de masque, il a pas de prothèse ni rien, mais c'est vraiment un personnage qui est cynique. Oui, puis il a pas d'affrontement avec Batman, donc ouais, je l'ai un peu oublié du coup. Max Schreck, son nom d'ailleurs est inspiré d'un acteur qui incarnait dans les années 20, qui incarnait Nosferatu de Murnau. Bon, ça c'est une petite anecdote de cinéphile, on va dire. Voilà quoi, mais ces trois personnages, ben oui, on voit ces trois personnages. Et puis Michael Keaton, il est un petit peu rentré dans ce film, moi je trouve. Hein. Il intervient, ouais, certes, mais il est pas dans tous les plans, et puis il y a même souvent des... Le Batman, ben, il est un petit peu secondaire. Hein. On dit Batman Returns, ça c'est le titre original. Le titre français c'est Batman le défi. J'aurais envie de dire que c'était plus un spin-off de Batman qu'un film, un vrai film sur Batman. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais de Batman Returns. Mais bon. Ouais, non, c'est pas. Enfin, moi je trouve qu'il est dans la même lignée que le premier. Bon, après, encore une fois, ouais, c'est vrai que hein, c'est aussi le super vilain qui fait le jeu en fait. Hein, de Vito quand il s'éclate dans sa Batmobile. Ah oui, oui. Tu sais, de jouer de forain, ouais, on va ça. Dire. Ouais, quand voilà. elle est contrôlée par. Il s'éclate, ouais. quoi. Tu vois l'acteur qui s'éclate, quoi. Il est là, tu dis, c'est pas possible. C'est... Ouais. Non, il cabotine et ça passe. Nickel. Ouais, c'est sûr. Bon, je pense que c'est un peu le fort de Burton, c'est que il a toujours aimé tout ce qui est les frics, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et il est toujours fasciné par la monstruosité des personnages. Et on le voit dans sa filmographie, hein, que ce soit le Cavalier sans tête ou je pense à. Même Edward. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, ou bien Édouard aux mains d'argent, je sais pas Edouard, si tu l'as ah vu. Ah oui, Édouard aux mains ouais. d'argent. Tu vois, c'est une ouais. histoire tendre, gentille et tout, mmh. avec un monstre, quoi. C'est ouais. La famille Adams aussi. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, Family Adams, c'est pas Burton, mais c'est vrai qu'après, il y a toujours cette notion de l'iconographie de l'horreur, quoi, quelque part. Ouais, je pense qu'il doit bien aimer ça. Ouais, il aime bien. Il est un peu déjanté, le mec. Hein. Quand il voulait nous faire Superman Lies avec Nicolas Cage, par contre, ça, c'était un peu moins bien. Mais bon. Ah, je... ouais. Mais voilà, quoi. Mais ouais, on a fait le tour. Je pense que... Bon, c'est un bon diptyque. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre et qu'il faut les voir tous les deux, quoi. C'est la, je veux dire, la bonne période de Batman dans les premiers, parce qu'après, on va passer à la mauvaise période de Batman. C'est la période de Joel Schumacher. Ouais, l'essoufflement de Batman. L'essoufflement, mais vite fait, quoi. Hein. Alors, en 1995, on a un premier épisode, c'est Batman 3. Je sais pas si c'est vraiment une suite de Batman Returns. J'ai l'impression que c'est totalement différent, parce que le Gotham, déjà, est différent. Il y a plein de couleurs fluo partout, du rose, du ça fait très girly. Hein, ça fait punk. Très punk. On est passé d'un univers gothique à un univers punk. Ah oui, c'est plus du tout sombre. Et on a le Batman qui est joué par Val Kilmer. Moi, je trouve un petit peu insipide. Je trouve qu'il joue pas très bien dans ce film. Non, il a pas de prestance alors à l'écran. Ouais, alors qu'il s'est joué d'autres rôles. Hein. C'est un acteur qui s'est joué. Mais là, dans Batman, non, il était pas convaincant. Il est pas bon, mais est-ce qu'il était convaincu par ce qu'il faisait, ça, je peux pas ouais, peut-être qu'il a vu le chèque et puis il s'est dit, bon, je vais faire le minimum. Mais ça suffit pas. Et puis, en face de lui, t'as Chris O'Donnell qui arrive comme Robin. Bon, il est un petit peu irritant, hein, Chris O'Donnell. Moi, je trouve que comme Robin. Encore, ça suit avec l'univers punk. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, on est des c'est ados. Pas, c'est pas le pire, hein, on va dire. Ah, ça fait sous salut, on est des ados, quoi. Ça, ouais, ça c'est, ça. C'est pas le pire des personnages, parce que le pire, je crois que c'est le duo Jim Carrey et Tommy Lee Jones, quoi, qui sont complètement dans l'outrance. Il y a Carrey qui est dans la grimace permanente. Bah, il refait le coup de The Mask, hein, on va dire. Et puis ensuite, t'as Tommy Jones qui nous fait une espèce d'ersatz de Nicholson, quoi. Pour moi, Tommy Lee Jones, ouais, je l'ai pas aimé dans ce film du tout. Pourtant, j'aime bien. Pourtant, hein, quand tu regardes dans Man in Black, ouais, tu sais, impassible et tout. Mais là, franchement, ça passait pas. Et encore une fois, là, tu vois, c'est les vilains qui ont fait couler le film. Mais enfin, en même temps, qu'il meurt derrière, il était pas terrible non plus. Donc, Non, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de qualité à ressortir de ce film. Moi, j'ai bien aimé 2-3 scènes. Puis t'as Nicole Kidman, bon, c'est une superbe actrice. Mais là-dedans, enfin, moi, qu'est-ce que je pourrais dire quand elle est ridicule, quoi. Les caricatures féminines, quoi. La pouffe de service, quoi, j'ai envie de dire. Le sexe interest, le fan service. ouais. Non, mais bon, voilà, quoi. Mais c'est vrai que dans les Batman, à part Michelle Pfeiffer, il n'y a pas eu de femme forte, vraiment, quoi. Bon, Kim Basinger, dans le premier, bon, elle était limite aussi. Puis après, on va parler du Batman et Robin. Là, c'est... Non, il n'y a pas eu, hein, ça s'est arrêté. Il n'y a plus de Batman ouais, et Robin. Parce que c'est un numéro 4 qui est de triste mémoire, comme le Superman 4 et Indiana Jones 4, on va dire. Et bon, sur Forever, on va pas s'étaler non plus. C'est Joel Schumacher, une nouvelle Batmobile avec plus de pointes et de bazar. Enfin... C'est de pire en pire, je trouve, au niveau design. Bah, Batman tue pas, mais blesse mortellement. Ouais, ouais, ouais. Donc, il fauche les vilains au passage. Bah, le problème de Forever, c'est que, il y a encore divertissant, je dirais. Moi, j'ai envie de le défendre par rapport au suivant, quoi. Parce que le suivant, c'est vraiment le bon plafond, quoi. On l'a chroniqué sur une spéciale nanar, mais Batman et Robin de Joel Schumacher, avec le casting, déjà, ils sont tous mauvais, hein. Que ce soit Clooney, O'Donnell, Schwarzenegger et Uma Thurman, quoi. Ah, oh, ça c'était le film qu'il faut surtout pas rater si vous aimez les nanars. On a fait une rubrique à retourner dessus parce qu'on a tout dit sur ce film. On a critiqué tous les aspects négatifs parce que les aspects positifs, il n'y en a pas. Je trouve que ce film-là est pas oubliable tellement que c'est un nanar et que tout ce qui marche dans un film, ils ont inversé, ils ont fait un univers parallèle et tout ce qui marche pas. En fait, Schumacher, ce qu'il a fait, c'est que il est retourné dans ce que j'appelle l'esprit 1966. Avec le flashy, le kitsch, le ringard, avec les situations farfelues, parce que c'est un alignement de scènes d'action, hein, complètement kitsch. Et là, on voit le boule à Clooney, hein, pas l'aubergine à Batman. Ouais, là, par contre, c'est des. Il y a un moment, tu te dis, enfin, je veux dire, il montre le cul de Batgirl, ouais, les tétons de je sais plus quoi, et le boule à Clooney. C'est très explicite, tu pourrais plus faire ça aujourd'hui. Et 10 secondes de séance où tu te dis, quoi, qu'est-ce que vous faites, les mecs, qu'est-ce que c'est, quoi. Il y a quelques secondes qui servent à rien, quoi. Pourquoi? D'ailleurs, quand les gens, ils avaient gueulé pour Ben Affleck, pour Ben Affleck en Batman, excusez-nous pour cette petite intervention Windows. Et Clooney avait pris la défense en disant un pire Batman que moi, c'est impossible. Ben, ça va, si Clooney s'en rend compte qu'il faisait ça pour le chèque, bon, c'est honnête de sa part, mais bon. Il ne sort pas sans elle. Ah, ouais. Ah oui, alors, quelle horreur. Quelle horreur ce sketch de la Batcard. Mais qu'est-ce que c'est moche. Ah, ouais. Puis Uma Thurman qui fait les allumeuses, bonjour, quoi. Ah, bah là, tu vois, je disais, Pfeiffer, elle avait été sexualisée, mais elle était quand même. Pire, elle était quand même femme forte. Ouais, ouais. Voilà, elle casse quand même la gueule à son ancien chef, elle électrocute, pas de soucis. Voilà, non, c'est Barbie salope jusqu'au bout, là. Ah, ouais, c'est terrible, hein, comme personnage. C'est quoi ton super pouvoir chez allumer les mecs? En gros, c'est ça, hein. Ouais. Ah, oh, la Batcard, quelle horreur. Ah ouais, tu m'as rappelé un souvenir douloureux. Et vous voyez, ce film-là est moins oubliable que les autres parce qu'il nous a trop fait souffrir. On va pas non plus déconner, hein. Mais bon, je pense que vous partagerez notre enthousiasme sur ce film en allant écouter notre spécial nanar. Ah ouais, écoutez la spéciale nanar avec ce jeu. Vous avez tout qu'il y a dedans. C'était vraiment, on s'est bien déchaîné, on a bien trollé comme il faut. Et je pense qu'on peut passer au suivant. Bah là, on passe directement à la trilogie de Nolan, je vais dire. Donc, il commence en 2005 et termine en 2012. On va faire les trois films d'un coup, je pense que c'est mieux. Alors moi je les ai pas vus. Tu les as pas vus? Non, j'ai vu que le premier, ça m'a tellement ennuyé que j'ai arrêté de voir le reste. Bon bah Batman Begins, déjà tu l'as vu, donc tu sais comment ça démarre et on a quand même un bon casting, je trouve que les acteurs sont tous bons. Que ce soit Christian Bale, Michael Caine qui fait Alfred et t'as aussi Morgan Freeman et Liam Neeson dans le rôle du vilain. Oh merde, j'ai spoilé. Merde, il y a un vilain. Mais bon, on va supposer que vous l'avez vu. Je pense que tout le monde l'a vu, hein. Batman Begins, c'est comme The Dark Knight. Hein. Là, c'est vraiment la jeunesse de Bruce Wayne, avec justement le meurtre de ses parents, encore une fois, qu'on voit d'ailleurs dans le Batman de 89. Une scène qui sera récurrente, hein, quand même. Et après, c'est et là, il rejoint les pays asiatiques, les pays un petit peu asiatiques. Ouais, il part s'entraîner. Hein. Ouais, pour rejoindre la Ligue des Ombres de Ra's al Ghul. Bah, avant, il essaie quand même de. Il voulait buter Falcon ou je sais plus, NC Sbire, pour venger la mort de ses parents, mais il le fait pas et finalement, il décide de partir parce que sinon, il aurait fini en prison, puis ça aurait fait un gros tif. Le gros tif de Batman. Ouais, de Bruce Wayne. Mais là, donc, c'est tout le cheminement de. C'est un film plus sur Bruce Wayne que sur Batman. Parce que Batman, il intervient peut-être dans les dernières demi-heures, quand on le voit en costume. C'est plus sur le cheminement. Ouais, c'est un film sur Bruce Wayne. Il y a le meurtre de ses parents, la rencontre avec Gordon, et puis il y a la formation avec la Ligue des Ombres, des Assassins. Et ensuite, il revient à Gotham pour reprendre justement les rênes de l'entreprise et puis c'est là qu'il attrape tout son des origines. En fait, c'est les origines, hein. C'est le costume militarisé, la Batmobile, que je n'aime pas d'ailleurs. Je déteste cette Batmobile. C'est une apologie des détournements de fonds dans les entreprises du secteur privé pour son propre plaisir. Horrible, quoi. C'est horrible, ce design de tank, là. Mais le film, moi, Batman Begins, j'ai beaucoup aimé parce que on retrouve l'esprit du comics d'origine. Il y a un peu de Miller aussi dedans. Je pense que Miller a tout le temps eu une influence, que ce soit dans le film de Burton, le premier, ou dans celui-là. Et c'est un film que je recommande. Et pour moi, Je trouve que Batman Begins, c'est le meilleur de la trilogie. Hein. Parce que... ouais, toi, t'as pas vu Dark Knight. Dark Knight qui a été quand même applaudi par la critique et par les fans. Comme c'est un film... C'est celui avec Heath Ledger, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Heath Ledger, justement, qui incarne le Joker. Et t'as Aaron Eckhart qui joue le Harvey Dent, qui plus tard devient Double Face. Et c'est en fait la croisade de ce film-là, c'est plus la croisade de Dent contre le crime et son combat contre le Joker que véritablement. Là, encore une fois, pour moi, c'est pas un film sur Batman, Dark Knight. Non, c'est un film plus sur le Joker, tu vois. Et là, on voit vraiment la vision du Joker, d'après ce que j'en ai lu, du mec. C'est comme Batman, il y a une conviction, il va jusqu'au bout. Comme il dit, il va voir les chefs de la mafia, il dit donnez-moi la moitié de votre blé, puis il crame tout. Il dit j'ai pas besoin de blé, moi je me bats avec des trucs, je tue des gens avec des trucs qui coûtent pas cher. Ouais, lui, ce qu'il veut, c'est instaurer le chaos. Le chaos, il est là pour montrer que tout le monde a une part. À Gotham. Puis il y a quand même pas mal de faiblesses au niveau scénario dans Dark Knight. Je pense à cette scène à Hong Kong, qui n'a rien à faire là d'ailleurs. Oui, là, je sais pas si. C'est là où même il y a un avion qui prend et il chope le mec en vol et puis pour le rapatrier, c'est ça ? Non, ça c'est Dark Knight Rises. Voilà. Bah, tu vois, ouais, ça c'est l'intro. Tu vois, l'histoire était un peu compliquée quelque part, mais pour rien, parce que je trouve que on est un peu trop dans le thriller et pas assez dans le film de super-héros, tu vois. Mais c'est peut-être le côté réaliste qui a été voulu par Nolan, qui est justement, tu vois, il était encore dans le côté un petit peu comics dans le premier, que dans le deux, il est plus vraiment quoi, il est plus dans le côté détective et le côté policier quoi du personnage. Et c'est ça qui me dérange un petit peu, peut-être que. C'est une opinion personnelle, mais c'est pour ça que j'ai aimé le film, mais pas en tant que Batman, tu vois. Tout à l'heure, tu disais, c'est un bon film, mais c'est pas un bon Batman, tu disais, pour le film de Burton. Moi, j'ai envie de dire que c'est un très bon film, mais c'est pas un bon Batman pour moi, tu vois. Non, le film est pas mauvais, en termes de mise en scène, c'est très bien fait, tout ça, il y a une très bonne scène impressionnante. Il y a une nouvelle fois, t'as le casting qui fait le job, mais il y a beaucoup de faiblesses. Je trouve même que c'est trop long, ça fait plus de 2h40, si je me souviens bien. Il y a des scènes qui pouvaient facilement couper, quoi. Voilà, quoi, pour le Dark Knight. Et puis, t'as le troisième, le Dark Knight Rises, qui est le pire des trois pour moi. C'est t'as Tom Hardy, notre ami Tom Hardy, qui a joué récemment dans Venom, qui joue Bane. Et là, Bane, c'est le Bane qui veut aussi. En fait, t'as l'impression qu'il fait un peu comme le Joker, il veut mettre le chaos dans la ville, dans la cité. T'as une espèce de vendetta un peu personnelle, on verra. Ouais, mais là, tu vois, c'est plus Bane, la brute épaisse. Hein. Il réfléchit quand même, ouais, il a un plan, même si tu sais que c'est pas le sien à la fin, tu vois, mais il réfléchit. Là, c'est pas le Bane de Batman et Robin. Hein. Ouais, ça change de la brute épaisse où il y a plus sur un bouton. Il commence à gueuler, ouais. Et puis, non, là, vraiment, on est dans le Bane qui est très réfléchi, qui est accompagné par... Oh, mais je vais pas spoiler parce que... Mais de toute façon, tout le monde connaît la mort de Marion Cotillard. Cette scène de mort de Manon qui est très mal jouée par Marion Cotillard. Mais bon, je trouve qu'on fait beaucoup d'esbroufe pour pas grand-chose. Parce que c'est même pas la pire des choses là-dedans. C'est qu'il y a un problème aussi de temporalité. Je parle surtout de la scène où justement Batman est handicapé. Comme dans le comics dont je parlais tout à l'heure. Nightfall, qui est très inspiré. D'ailleurs, le Dark Knight est très inspiré par un long Halloween. Hein, faut le savoir. Et là, c'est le Nightfall qui a inspiré le Dark Knight Rises avec Bane. Je pensais justement de cette scène où Wayne est prisonnier dans une espèce de grotte qui n'arrête pas à monter. Et puis le mec, en moins de 3 mois, il se rétablit, quoi, tu vois. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien là-dedans. Hein. Ça arrive comme ça que ça tombe. Ouais, c'est pour les besoins du scénario, quoi. Ta gueule, c'est la scénario. Ouais, c'est parce qu'il fallait faire revenir Wayne. Et puis tout d'un coup, le mec est de nouveau en forme, quoi. Sa colonne de vertébrale, il rétablit comme par enchantement. Et ça m'a beaucoup dérangé dans cette scène. Mais dans le film, il y a beaucoup de longueur. Et encore une fois, c'est trop long. Et il y a beaucoup de défauts dans le scénario. Et c'est encore pire que dans le précédent. Mais même le jeu, je trouve que même Christian Bale commence à s'ennuyer aussi. Dans son rôle de Wayne, on voit qu'il n'a plus vraiment de trucs à montrer, quoi. Tu vois, Christian Bale est un très bon acteur. Hein. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ses films. Mais là, on a l'impression qu'il s'emmerde des fois, tu vois. C'est ça le problème. Peut-être qu'il fallait que deux films, hein, qu'il fallait faire un. Pourquoi faire une trilogie ? Ça, c'est encore la Warner qui a certainement décidé le. Ouais, ils étaient peut-être partis directement sur une trilogie. Ils ont signé le contrat. contrat pour 3 films et ouais. puis il a peut-être été obligé de le jouer. Ou bien c'est peut-être le succès parce que c'est l'un des films qui a fait le plus fort au box-office, hein, Dark Knight. Je crois que c'était avec Titanic, c'était pas loin de Titanic, si je me souviens bien. Ou Avatar, mais il a fait beaucoup d'entrées. Hein. Je crois que c'est même le film de super-héros le plus rentable de l'histoire du cinéma, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà quoi, Dark Knight Rises, ouais, faut le regarder parce que c'est la suite, mais c'est oubliable. Pour moi, c'est totalement oubliable. C'est un peu comme oubliable. Les Star Wars, on est obligé de regarder parce que c'est la suite, ouais, c'est oubliable. Mais c'est un peu une torture pour les yeux. On a quand même réussi à placer Star Wars. Mais j'avais, oui, c'est vrai qu'on était un petit peu en mal de Star Wars, de la franchise, la franchise la plus méconnue du grand public, on va dire. Ouais. Que voilà quoi. Bah, je vais pas étaler parce qu'on peut pas faire débat vu que t'as pas vu les films. Mais moi j'ai donné une opinion. Maintenant vous serez certainement pas d'accord à me dire ouais, Dark Knight c'est génial et Heath Ledger c'est le meilleur Joker. Maintenant, moi je suis désolé, Heath Ledger il joue un Joker, il joue pas le Joker. Et pour moi, il tient plus du psychopathe que du personnage du comics complètement déjanté. Tout. Ouais. Ça c'est une vision qu'on a chacun quoi. Mais on va peut-être passer à la période Zack Snyder si tu veux bien. Ce qu'on peut dire c'est que c'est tout, plus de film Batman après ça. Tu vois, c'était grand vide. Ouais, ça va continuer à l'être parce que du coup j'ai l'impression qu'ils sont un peu timorés sur les prochaines licences Batman. Mmh. Ben Affleck s'est quand même barré du projet. Donc je sais pas quel avenir maintenant pour des films Batman qui seraient forcément des reboots ou je sais pas quoi. Mmh. Bah là on va parler justement de cette période 2016-2017 où Ben Affleck était une fois de plus décrié. Il était décrié même avant. Prochain Batman, ce sera Ben Affleck. Oh. Ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde a gueulé. George Clooney qui a pris sa défense en disant pire que moi, il fera pas, vous inquiétez pas, ça va aller. Ouais. Ben Affleck, il avait même pas fait des essais ni rien, on avait même pas vu de trailer. Déjà, ils étaient tous en train de cracher dessus. Enfin, c'est un peu lourdeau quand même sur internet des fois. Ah, c'est ce qui arrive encore avec Pattinson. Ouais, Pattinson. Mais est-ce que c'est pas justifié ça? On va troller là. Il y a un background avec Pattinson. Donc le premier où Ben Affleck apparaît, c'est Batman vs Superman, où il est face à Henry Cavill. Ouais, beaucoup de bonnes scènes. Une version longue qui est bien meilleure que la version cinéma. Ça, on peut le dire. Tu l'as vu la version? Moi, j'ai vu la version, les deux. Hein, j'ai vu les deux. D'accord. Et il y a quand même des points qui t'éclaircissent dans la version longue. Ouais, parce que c'était vraiment. On se demande pourquoi ils ont coupé certaines scènes. T'as des scènes, j'ai pas trop envie de spoiler, et tu te dis, comment on en est arrivé là quoi. Pourquoi tout d'un coup. T'as l'impression qu'il y a des trous narratifs dans le film, ouais. et ça fait que tu comprends rien. Je pense à cette scène justement où Superman est en Afrique, là, tu sais, où il va délivrer Lois Lane. Et là, il y a un gros trou. Tu te dis, merde, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi pas mal de scènes intermédiaires où t'as l'enquête avec Clark Kent, tout ça. Et une scène avec, t'as aussi des scènes avec Wayne et Alfred. Mais ce qu'on retiendra de ce film, c'est l'affrontement entre le Batman version armure de Frank Miller, parce que c'est très inspiré de Dark Knight Returns. Hein. Ouais, carrément. Ça, on peut pas le nier. Ouais, graphiquement même. Hein. Ouais, aussi. Mais c'est vrai que c'est titaniste, hein, comme. Mais c'est un combat qui s'arrête assez brutalement. Il y a aucune finesse, je trouve, dans ce combat. On sait pas quoi faire pour arrêter le combat, donc on te sort un peu un argument un peu ridicule. Ouais, voilà. Sauf Martha. Ouais. Puis après, voilà. Ouais, pourquoi tu veux. Ouais, puis bon, ça a trollé à mort, hein, pour Martha. Mais ils auraient pu faire ça avec plus de finesse, peut-être trouver autre chose. Moi, tu vois, je voyais un petit peu, si j'avais à retravailler ce scénario, je dirais, ouais, il aurait fallu que Lois s'interpose entre les deux, tu vois. Ça aurait été plus logique. Ouais. Qu'elle se met entre les deux, puis. Qu'elle dise, faut pas le tuer. Sauf Martha. Un petit dialogue, tu sais, pour dire, pour faire revenir Batman du bon côté, parce que le mec s'est emporté, on voit qu'il est ultra violent, qu'il est complètement dans son trip. C'est le Batman de Miller, hein, de toute façon, pièce par pièce, que ce soit pour Bruce Wayne ou pour Batman, les deux personnages sont clairement milleriens. Et Ben Affleck, il fait un sacré boulot, je sais pas pour toi, mais moi je l'ai trouvé impressionnant, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de prestance. Il y a plus de prestance dans celui-là que dans Justice League. Oui, non, mais on va en parler après de Justice League. mais pour moi, il incarne l'un des meilleurs Batman pour moi, mais c'est une opinion. Mais Ben Affleck, pour moi, j'avais envie de le revoir, tu vois, parce qu'il se démerde bien dans les scènes d'action, dans les scènes de combat, il est très bon aussi. Puis même dans la psyché de Bruce Wayne, quand il est dans la Batcave ou quand il discute avec Alfred, qui est joué par cet excellent acteur qui est Jeremy Irons, qui est un Alfred un peu plus, je dirais, philosophe. On voit que c'est un ancien des services secrets. Hein. Il est plus philosophe. philosophe ouais. aussi. Il tempère Batman. C'est ça. Tu vois, il est pas là juste pour apporter le thé et les biscuits, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a son partenaire. Ouais. On a oublié un petit peu de parler d'Alfred parce qu'Alfred c'est un petit peu la figure paternelle. Hein. C'est le père que Bruce Wayne n'a jamais eu. Et derrière cet apparat de domestique, bah c'est quand même lui qui le ramène toujours du bon côté, qui fait le support logistique. Ouais, t'as le père spirituel. Hein. Le puis père quand, spirituel, c'est lui qui le recoue. Ouais. Et puis il l'aide et puis il l'aime comme un fils finalement. Et on voit qu'il y a un amour filial quoi. Puis il en souffre hein. Ouais. Quand il recoue Batman ou qu'il lui fait ses transfusions, là, c'est pas Alfred qui en a rien à péter quoi. C'est vrai, il en souffre. Et ça a même été source de conflits entre eux. C'est quand même mieux retranscrit dans le film de Snyder. De Snyder que pas que dans les autres. Hein. Dans les autres, Alfred c'est plus. Vous apporter un peu. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un peu plus de, je dirais, il y a un côté point. Le seul côté positif que j'ai trouvé dans Batman et Robin, c'est vraiment le seul. Hein, je veux dire, c'est cette relation entre Bruce et Alfred. Quand Alfred est malade et qu'il lui dit écoute, je t'aime tellement mon fils, ceci cela, et puis j'ai trouvé que c'était une belle scène, mais c'est vraiment la seule scène que je sauverais du film, tu vois, parce que après tout le reste on voit pas la scène de patinage, mais non sinon on va arrêter de troller là. On a assez trollé dans notre spécial nanar. Tu vois, dans le film de Snyder, tu vois, ils parlent quand même, ils ont un dialogue. Ils sont plus maîtres esclaves, maître et serviteur. Ils sont plus l'un va avec l'autre, quoi. Je trouve que c'est assez logique. On sent vraiment la paternité entre les deux, quoi, tu vois. Et ça passe très bien entre les deux acteurs parce qu'ils sont très bons et que voilà quoi. Même Cavill est encore très bon après Man of Steel. Je trouve que il a la prestance, il a ce côté un peu Superman, un peu extrême des fois parce que il lui arrive de taper des mecs ou d'envoyer des chier, tu vois, envoyer chier du monde. Non, c'est pas encore la moustache, hein, c'est l'autre. mais là, je trouve qu'il est encore très bon. Ce qui est complètement inversé dans Justice League. La version courte, si vous avez vu la version courte, ça rend pas du tout justice à l'œuvre. Toi, tu parles de Batman versus Superman. Là. Ouais, Batman versus Superman, faut voir la version longue. Ouais, c'est ça, c'est obligé. Bon, ça fait 3 heures, hein. Ouais. Mais c'est 3 heures qui sont justifiées. Il pourrait encore couper quelques scènes, mais voilà, il y a les scènes importantes dans la version longue qui sont pas dans la version courte, c'est un peu con, quoi. Pour revenir à Ben Affleck et Henry Cavill, qui sont particulièrement mauvais dans Justice League, moi je te retrouve. Hein. À la direction que ça a pris artistique dans Justice League, c'est une cata. C'est horrible, c'est coupé de tous les côtés. Dans le premier, voilà, t'avais la dualité, il y avait pas d'humour. Hein. Non, c'était très très sombre. C'était un duel, quoi. Voilà, c'est tout. Et dans le deuxième, c'est wesh poteau, vas-y, tout va bien, cool Raoul, quoi. Enfin, pourtant, c'est grave, ils essaient quand même de ressusciter Superman. Et tout, il se résout en claquement de doigts, quoi. Ouais, c'est vraiment plein de raccourcis. Des acteurs qui sont pas très inspirés. Bah, l'histoire n'est pas très inspirante. On prend qui comme super vilain Darkseid? Non, mais un moins connu. On va mettre bizarre. Steppenwolf. Ouais, Steppenwolf. Qui est très mal fait d'ailleurs, hein, au niveau. Moi, Steppenwolf, la première fois, j'ai dû aller retourner sur l'affiche pour savoir qui c'était, quoi. J'ai dit, mais c'est qui Steppenwolf? Ouais, mais peut-être, mais c'est vrai que de balancer Darkseid tout de suite, ouais, quoi que ça aurait fait bien, parce que de toute façon, il y avait toute la Justice League, ils étaient tous rassemblés. La licence est morte, de toute façon. Shazam a bien achevé la licence, donc il n'y a pas de souci. Il paraît que Darkseid apparaît dans une version, version longue de Justice League. Apparemment, il y a une campagne en ce moment sur Internet qui pour justement que Snyder sorte la version longue. Et dans cette version longue, il y a des scènes en plus, dont une scène avec Darkseid. Et un Darkseid qui a l'air un peu plus crédible que le Steppenwolf qu'on a eu. Oh, le mushroom qui fait vraiment le bonhomme plastique, quoi. Excuse-moi. Mais... J'ai l'impression de regarder Master of the Universe quand je regarde Steppenwolf. Non, c'était moche. Hein, j'attendais qu'il gueule par le pouvoir du crâne ancestral, et puis c'était bon, quoi. Non, mais au niveau des déplacements et tout ça, on sent que c'est artificiel, quoi. Il n'y a rien de naturel dans le fait de bouger et tout, dans les combats, dans les scènes d'action. C'est le CGI est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais, tu vois, c'est pas beau, quoi. CGI discount. Alors que dans Batman vs Superman, il y a une ambition artistique qui est un peu plus élevée. Là, t'as l'impression qu'on te balance un truc, on veut faire un peu du Marvel, donc on balance quelques blagues tous les 5 minutes. Ah, c'est pas une impression. Pour moi, c'est une certitude. Ils ont voulu choper à la Marvel. Faire de l'humour, ça marche chez les concurrents. En conclusion, ils ont flingué leur licence. Puis, heureusement qu'il y a Gal Gadot quand même dans Justice League pour relever un petit peu le niveau, parce que bon, elle était déjà présente dans Batman vs Superman, et entre deux il y avait eu Wonder Woman, mais je veux dire, je pense que c'est Gal Gadot qui est un peu plus dominante dans ce film, parce que les autres, que ce soit Cavill, Affleck et même les personnages de Cyborg et de Flash, qui sont quand même assez bâclés, je trouve, ils sont pas terribles, hein. Moi je trouve pas que la Justice League ça rend bien, quoi, par rapport aux comics. Est-ce que c'est pas un film qui va rester mémorable, quoi, pas comme le premier Avengers par exemple, tu vois. Ouais, c'est non, si je pense que de toute façon la qualité n'est pas là, hein, je suis désolé. Dans Avengers Infinity War, la qualité est là. Bah alors dans Justice League, la qualité est pas là, hein, je suis désolé, c'est tout. Même la qualité scénaristique, c'est rush, rush, rush, rush. On a vu dans les bandes annonces des scènes intéressantes, coupées, coupées, coupées, coupées. Bon bah c'est tout quoi. C'est un peu le problème des trailers, hein, c'est que des fois t'as des inserts, des fois tu te dis oh, c'est que ça sert à bien. Puis quand tu regardes le film, ah ben il l'a pas, la scène il l'a pas. Ah, je dis bah ça va. Mais là ça a été coupé, ça a été haché. D'ailleurs il y a eu un problème avec Snyder, c'est que son enfant qui s'est suicidé, donc il a dû abandonner le tournage et c'est Joss Whedon qui a repris en main, donc et on voit que ce côté léger c'est peut-être Whedon qui l'a apporté finalement, c'est aussi la prod qui a dit ça va pas, on fait faites moins dark parce que faut qu'on vende, ouais c'est ça, puis les comics et puis l'opportunité commerciale, et puis il y a aussi ce problème de moustache quoi. Le problème de moustache de Carville, c'est que lui non plus voulait pas se raser, il a pas mis de maquillage blanc mais ils ont fait numériquement, il a voulu faire comme César Romero, mais ça marche pas. Alors... Mais n'empêche que Justice League, pour moi, ça a tué toutes les licences DC Comics. C'est un ratage, mais bon, après, ils ont fait Aquaman. Moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Toi, t'as plus aimé. Aquabro. J'ai pas trouvé ça terrible, franchement. C'est la caricature de A à Z dans ce film. C'est oubliable. Après, ouais. Il y a des points à revenir sur notre critique, ça ira mieux. Ouais, ouais. D'ailleurs, on n'est pas... C'est oubliable. C'est l'une des seules critiques où on n'est pas d'accord, en plus. Parce que souvent, on est d'accord. Ça va pas s'arrêter, hein, là, de toute façon, le DCU. Bah, après, ils ont fait Shazam. En gros, quand DC touche le fond, ils continuent à creuser. Mmh. Tu l'as vu, Shazam? Ouais, je l'ai vu, Shazam. Ouais. C'est pas bon, hein. Bon, c'est un film pour ados. Ouais, ouais. C'est marrant, mais... Marrant, j'ai pas vu. En plus, t'as des effets spéciaux qui sont vraiment médiocres. Ouais, je suis peut-être pas la première cible, hein. Ouais. Je pense que je dois être au-delà de la cible visée, parce que je me suis pas senti concerné par ce genre de film. Ouais, puis les effets spéciaux... Pas beau. C'est dégueulasse aussi, hein. C'est plein de fumée, plein de monstres avec de la fumée. Puis le méchant, bon, je suis méchant, il n'y a aucune nuance, même si c'est un très bon acteur qui le fait, mais on n'est pas ici pour parler de Shazam, mais bon, le DCEU, c'est continuité, c'est quoi, c'est, on en parlait tout à l'heure des spin-offs, hein, parce qu'on va peut-être conclure un peu la partie live-action de Batman, pour dériver un peu sur les films animés, si tu veux bien. Donc on attaque la troisième partie avec la partie, série et film d'animation. Là aussi, hein, il y en a des centaines. Hein, Par contre, Batman, lui, il a commencé en tant que partenaire de Superman dans une série animée en 1968, The Batman Superman Hour. Ensuite, il y a eu Les Aventures de Batman, une production filmation en 69 et 77. Et la même année, 77, on a eu cette fameuse série qui est plus connue, Super Friends. Qui est une coproduction Hanna-Barbera et Warner. Alors je sais pas si tu te souviens de cette série fantaisiste. Super Friends, je m'en souviens, mais plus pour le côté Hanna-Barbera. Ouais. Hein. Tu me dis Warner, je l'ai pas vu, le côté Warner. C'est vraiment un truc, kitsch et con à la fois, quoi. C'est super amis qui défendent le monde. Ça s'appelle pas encore Justice League. Hein. C'est ça. Et pourtant c'est la Justice League, hein, mais je crois qu'il devait avoir un problème de droit et tout. Donc Batman, Wonder Woman, Superman... Aquaman, je l'oublie tout le temps, lui. C'est un peu le dernier de la bande, tu sais, celui que t'invites jamais à un anniversaire. Puis, mais il y avait même deux jumeaux là qui pouvaient se transformer en je sais pas quoi. Ok, ouais, aussi. Ah, tu vois, un singe aussi, enfin je sais plus, petit singe qui faisait partie avec les jumeaux. Puis c'était les aventures de tout ce petit peuple qui résolvait des mystères, quoi. Ouais, c'est la Justice League Junior. Avec une mascotte, quoi. C'est ça que t'as l'air de dire. Ouais, bon, c'est pas glorieux, hein, niveau graphisme, pour les premiers temps. Par contre, on va sauter directement à la série animée de 92, et ça tu es un grand fan, et que tu vas pouvoir nous parler de cette série qui a été créée par Bruce Timm et Paul Dini, où justement, l'une des principales... je vais dire, apparitions, c'est celle de Harley Quinn, en fait, dans cette série. Hein. C'est de là que tout est parti, hein. Harley Quinn a été créé dans cette série, pour cette série. Les fans ont explosé quand ils ont vu ça, parce que en fait, le personnage était super intéressant à traiter. Après, pareil, le Joker a doublé par Mark Hamill, hein, quand même. Donc, tu vois, même un casting quand même bien à la bande-son. Puis c'était une claque, hein, ce dessin animé, je suis désolé. Hein. Ah ça oui, passait, avant les infos ou après les infos, je sais plus, sur France 3. FR3 à l'époque, hein, même c'est pas sûr. France 3. Et puis, tu prenais une claque littéralement quand tu regardais ce machin. C'était... le dessin il était correct, mais c'était quand même assez dark. Je veux dire que c'est la veine des films de Tim Burton. C'est-à-dire qu'on a cette Batmobile un peu fantomatique, on a une Gotham qui est très sombre, Puis on a un graphisme qui est c'est le Batman un petit peu en V quoi, dans cette série. Hein. D'ailleurs, il y a une bonne anecdote parce que dans cette série, quand tu voyais Batman, ça faisait pas très baraqué. Et quand tu voyais Bruce Wayne, c'était un carré le mec, tu vois. C'était une baraque. C'est un peu comme Clark Kent et Superman dans la série L'Ange de Métropolis, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est la même. Tu vois Superman, ça fait un peu gringaler. Et tu vois Clark Kent, tu te dis « Waouh, les muscles !» Voilà. Ouais. Et là, pareil, Batman, il faisait Batman, quoi. Puis quand tu voyais Bruce Wayne, ça faisait la montagne, quoi. Ça faisait The Rock. Ouais, c'est un peu bizarre hein, quand tu vois ça. Ça devrait être le contraire, parce que Batman devrait impressionner les truands. Là, c'est Wayne qui impressionne pas sa carrière d'athlète, on va dire. Et puis, mais bon, moi, j'ai vu quelques épisodes, j'ai pas tout vu. Mais c'est vrai que ça fonctionnait bien. Qu'il y avait une bonne animation, il y avait de l'action, tout ça, et puis c'était super, c'était quand même assez bien écrit. Il n'y avait pas de fil rouge, donc tu pouvais suivre un épisode, en rater quelques-uns, c'était pas grave, tu pouvais retourner. Voilà, chaque épisode se clôturait lui-même, et puis, les méchants, ils étaient bien, quoi. Joker ou même Pingouin, etc. Moi, c'est la première fois là où j'ai vu le Pingouin se battre avec des parapluies piégés. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Je sais pas si c'était dans le comics avant ou pas, mais c'est là où j'ai vraiment accroché à l'univers de Batman. Puis surtout qu'il n'y avait pas de super pouvoir, quoi. Ça, c'était vraiment pas mal. Ouais, c'est ça, c'est la principale force du personnage, c'est d'être sans pouvoir et puis de servir, comme on disait tout à l'heure, de son intelligence, de sa capacité à créer des gadgets et cette superbe ceinture dont on n'a pas parlé d'ailleurs, avec tous ces gadgets, tous ces espèces de bat-machins, tu sais. Ouais, il y a des bat-tout. Alors, t'as besoin de découper quelque chose, t'as un bat canif, t'as besoin d'électrocuter quelqu'un, t'as un bat magnète, tu trouves une fille, t'as un bat godmiché. T'as le bat pénis, on va dire. Mais non, on va pas insister sur ce point-là. Hein. On va arrêter. Non, une très bonne série. En parallèle de cette série, par contre, il y avait un long métrage qui était sorti, c'était Batman contre le fantôme masqué. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. C'est un aspect Batman thriller. Avec une nouvelle fois une histoire de vendetta, mais là c'était très très bien animé. Je pense que même au niveau de l'animation c'était un peu supérieur à la série. Et puis au niveau scénario, on voit vraiment pas le coupable arriver de loin, quoi. Tu vois, c'est tellement écrit de façon à embrouiller le spectateur que ça fonctionne très bien. Et je le recommande parce que Batman contre le fantôme masqué, c'est vraiment le film animé qu'il faut voir en priorité pour moi. Voilà quoi. Est-ce qu'on peut parler de Batman Beyond peut-être? Batman Beyond que j'ai connu, j'allais dire plus sur le tard. Ouais. C'est déjà un peu plus vieux, hein. C'était quand même il y a 20 ans. Hein. Ouais, c'est ça, tout juste. Donc avec Batman, vieux Batman qui commence un peu à morfler physiquement, il est cardiaque, etc. Et puis un jour, pour se sauver lui-même et sauver, il doit tirer, en fait, sur un ennemi avec un flingue. Et là, c'est mort. Là, il dit, ma carrière, elle est finie parce que je peux plus me défendre. Quoi. Mm. C'est bon, je suis arrivé au bout. Puis ça, la fin de Batman, et puis dans le futur, t'as un mec qui arrive à avoir tout l'héritage de Batman, mais l'héritage de charge de super-héros, quoi, Terry McGinnis. Mm. Je me rappelle plus comment que ça arrive, le fait que Terry... Il découvre pas les secrets de Wayne ou quelque chose comme ça. Je sais que Wayne, à un moment, lui donne rendez-vous, et puis en gros, il vole le costume de Batman de Wayne. Puis après, tu sais qu'en fait, c'est Wayne qui veut le tester, quoi. C'est un peu comme dans Ant-Man, le film Ant-Man, tu sais, où justement, t'as Scott Lang qui vole le costume de Pym, quoi. On est un peu dans cette mouvance, j'ai envie de dire. Donc là, ouais, c'est le jeune Terry McGinnis qui va devoir prendre la relève. D'ailleurs, c'est Batman la relève en français. Mmh. Et puis qui va s'en sortir bien dans un univers futuriste où la combinaison de Batman a évolué parce que il peut voler, il peut faire des décharges. Et là, il affronte des ennemis un peu plus, on va dire, mutants. Ensuite, il y a une série qui s'appelle The Batman. Alors moi, je la connais pas du tout, en 2004. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. C'est encore une série où on prend un petit peu... ça s'essouffle un petit peu, là, hein. Je trouve qu'on n'a plus vraiment d'idée que peut-être qu'ils veulent justement exploiter la licence pour maintenir un petit peu le super-héros dans le média et dans l'esprit du spectateur. Et puis on a, peut-être que tu connais un peu plus, c'est Batman, Beware the Batman. Avant Beware the Batman, il y a Batman et l'Alliance des héros. Oui. Là, c'est l'univers de Batman et puis il fait collaboration avec tous les super-héros. Hein. C'est pour nous relancer un peu... les super-héros, parce qu'il fait une alliance à un épisode avec Plastic Man, l'épisode d'après c'est avec Buanabiste, tu vois, et tous des trucs qu'on connaît pas trop. Métamorpho, ça c'est bien, c'est... Ouais, c'est Batman, l'alliance des héros. Le style graphique est plus enfantin, hein, faut dire ce qu'il faut. D'accord. Puis même, il y a un moment, voilà, c'est Batman, il fait équipe avec Green Arrow, et puis c'est Batman qui est transporté dans le passé, il devient méchant, et puis Green Arrow bat Batman. Mais voilà, c'est Batman, l'alliance des héros, et là, on nous colle une panoplie de super-héros, mais bien colossal, quoi. Et puis, des pas très connus. Moi, c'est là où j'ai connu Plastic Man. J'ai dit, bah tiens, je connaissais pas Plastic Man. Ouais, en fait, c'est une inspiration pour Red Richards et Quatre Fantastiques, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est peut-être une petite anecdote. Mais Beware the Batman, est-ce que tu connais un petit peu Beware the Batman, ouais. C'est plus, on va dire, Katana, Beware the Katana. Parce que, en fait, Batman, Alfred, impose une garde du corps à Bruce Wayne. Alors pourquoi, ça, je me rappelle plus. Mais en fait, c'est Alfred qui manipule, enfin, qui veut que Batman passe le flambeau et qui arrête de tout gérer tout seul. Donc il dit, bah tiens, elle, Katana, il la connaît un petit peu, après on sait pourquoi. Et puis voilà, de fur et à mesure de rencontres, voilà, il commence à côtoyer Métamorpho, Katana, et puis ça devient un peu, pas une Bat Family, mais plus des vigilants dans la ville de Gotham qui prennent le relais de Batman. Ouais, c'est encore une déclinaison, mais un peu féminine de Batgirl et tout ça, là, non ? Bah Katana, là, c'est, on nous montre comme une femme forte qui arrive à déjouer les sécurités de chez Wayne pour accéder aux secrets de Batman. D'accord. Donc, bon, on fait un petit peu un panoramique des principales séries, parce qu'on va pas s'étaler non plus, mais il y a aussi les adaptations de comic book en film d'animation. Alors, il y a le The Dark Knight Returns, du fameux Frank Miller, que je recommande particulièrement, parce qu'il est très bien adapté. Il y a aussi Assaut sur Arkham. Alors ça, c'est un petit peu un spin-off de Batman pour vous. Alors ça, moi, j'ai l'impression, tu vois, que Assaut sur Arkham, ils ont collé Batman juste pour dire, faut qu'on mette Batman, parce que c'est Arkham, sinon les gens, ils vont être perdus. Et honnêtement, ouais, j'aurais été perdu. S'il n'y avait pas Batman, j'aurais dit que j'en ai rien à foutre de la Suicide Squad, quoi. Enfin, l'histoire n'était pas spécialement intéressante, mais ils ont réussi à coller un Batman dans l'eau pour... un peu comme les films Godzilla, quoi. C'est pour remettre un peu d'intérêt. Il y a certains films où Godzilla devait pas apparaître, ils ont collé un Godzilla juste pour le montrer, quoi. Là, Batman est juste là pour être montré. Ouais, en fait, je pense que Batman devait être un petit peu un tremplin pour lancer la licence Suicide Squad. C'est un peu ça, quoi. Que ce soit en comics ou que ce soit au format animé, parce que il y a aussi quelques animes de Suicide Squad qui sont sortis l'année dernière ou l'année précédente. Bon, ouais, mais là, quand ce film-là est sorti, le film Suicide Squad n'était même pas en projet. Non. Donc forcément, Suicide Squad, c'est resté assez confidentiel. Quand le film Suicide Squad est sorti, là, ils ont sorti une bande de films animés. C'est plus de dessins animés, hein, c'est carrément des films animés Suicide Squad. Ouais, la Suicide Squad qui est aussi appelée Task Force dans les premières versions, qui est commandée par Amanda Waller, si on se souvient bien dans la série. Que ce soit dans l'animation ou dans les films, Maintenant, on va peut-être parler du gros morceau, là. Cette trilogie sur Damian, qui est apparue avec, donc déjà, t'as le fils de Batman, Batman versus Robin et Batman Mauvais Sang. Alors, cette trilogie, reprend essentiellement tous les comics qui sont liés à Damian, c'est-à-dire cette découverte du père et du fils, l'aspect un peu mentor de Dick Grayson, Nightwing, et puis t'as une intrigue autour de la cour des hiboux aussi qui est très réussie, je trouve. L'intrigue de la tour des hiboux est superbe. Elle est franchement superbe parce que voilà, c'est un peu moins Batman, c'est plus Damian. Mais tu comprends que le pauvre, il a beau être surentraîné par la Ligue des Ombres et tout. Voilà, ça reste un gamin qui a besoin de repères et c'est ce que l'Ergo va lui proposer, un repère et qui va le trahir dès qu'il voit qui c'est, quoi. Ouais, l'Ergo est un peu spécial, c'est un bon personnage, je trouve. Il m'a rappelé Azrael par certains côtés, mais c'est vrai qu'il est très bien écrit et on sait un petit peu renouveler les personnages quand on veut. Hein. Chez DC Comics, il suffit un petit peu de se creuser la tête. Tu prends cet exemple là, dans la cour des hiboux, là, l'Ergo prend carrément Damian, mais pas Damian, il prend carrément Robin sous son aile. Pour lui montrer que y a autre chose que ce qu'il est en train de vivre. Et quand il se rend compte que c'est Damian Wayne, oh, c'est foutu, c'est trahison, vas-y, dégage, je vais te tuer. Quoi. Ouais. Oh, c'est vraiment une très bonne trilogie hein, pour moi. Il y a vraiment une évolution du personnage de Damian. Hein. Au début, il est plutôt turbulent, agité, très violent. Et à la fin, il se range complètement du côté de son père. Hein. C'est ça qui arrive, en fait. C'est-à-dire qu'il se range du côté de son père, mais quand il n'est pas d'accord avec lui, il va faire un tour en Himalaya pour se détendre. Tu vois, c'est ça. Quand il est à la fois pour et contre son père, parce que quand t'as Dick qui prend le costume de Batman parce que Wayne a disparu, t'as Damian Wayne qui dit enlève ce costume, t'as rien à foutre avec, quoi. T'es pas à la hauteur. Et là, c'est l'enfant turbulent, quoi. Il est un peu vexé, quoi. Non, il est pas vexé parce qu'il a pas la taille encore pour être Batman, mais il dit même toi, tu peux pas être Batman, t'es pas crédible. Non, mais moi je recommande cette trilogie. Elle est divertissante. Moi, je recommande tous les films comme ça de live, enfin, pas de live, de tous les films dessins animés, on va dire. Ouais, c'est pas pour les enfants, allez-y, vous avez passé un bon moment. Moi, je passe un meilleur moment dans des films comme ça que devant les films Batman. Les films live. Que devant les films live. C'est vrai que c'est une meilleure qualité, c'est mieux écrit. Et bon, c'est assez court, hein. Les formats sont... On a 1h15, 1h20 de films. C'est des téléfilms. C'est tellement intense que tu t'ennuies pas, quoi. C'est ça le principe de c'est la branche DC Warner Animation. Ouais, défaut, ouais. Par contre, c'est un peu rushé, des fois. Ouais, la résolution du problème, des fois, c'est un peu rushé. Bah, ils ont dû couper, je pense, avec tous les idées qu'il peut y avoir dans les comics. Bah, parce ils ont que c'est une heure beaucoup et demie, trop long, pour résumer, c'est light, hein. Donc ils sont obligés de condenser, et des fois, ça pêche un peu. Si t'as un arc narratif qui est sur plusieurs numéros, par exemple une dizaine de numéros, je veux dire, ou un peu moins, bah, c'est un petit peu difficile, il faut puiser dans le matériel, et il faut en ressortir l'essentiel pour que vraiment on ait une adaptation qui est fidèle. Parce que le Dark Knight Returns là, que je parlais, il est fidèle, mais il reprend pas point par point le comics de Frank Miller qui est très dense et qui est très violent, quoi. Après, la trilogie avec Damian, c'est moins rushé. Bah, ils ont pris le temps, ils ont fait une trilogie. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, je viens de signaler peut-être qu'il y a eu deux longs métrages qui sont. Ils ont été réalisés dans le style de 1966. Donc on a Returns, Capet Crusaders et Batman vs Two-Face. Où Adam West et Burt Ward doublent leur personnage, mais encore une fois, on est dans la kitscherie, dans les onomatopées. Il y a un peu dur à dire ce mot-là. Ouais, bang, clang, ouais. Voilà. Enfin, tous les bulles, quoi. Ouais. Et puis, encore le côté farfelu des trucs, mais c'est vraiment le truc dommage, quoi. Mais c'est bien fait, je trouve qu'au niveau animation, c'est assez réussi. Mais il faut aimer la série 66, mais peut-être que si on trouvera. Si déjà on n'aime pas la série des années 60, on trouvera peut-être pas trop d'intérêt à cette espèce de revival, quoi, tu vois, quelque part. Bah, ouais, comme tu dis, c'est un revival, c'est fait pour nous faire vibrer la corde, voilà, des. Un peu de mélancolie, du temps passé, tu sais, un peu de nostalgie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Nostalgie, oui. Voilà, on nous dit, allez, vas-y, t'as bien aimé la 66, allez, on te resserre un petit peu, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas. Je pense pas que les jeunes vont s'attarder à ce genre de. Ah non, ils vont produit. Se faire chier. Là, clairement, non, ils ouais. vont se faire chier. C'est plutôt le mec qui a vu les séries dans les années 80 sur. Le fan. Ouais, le fan. Le fan boy. Le pur fan, l'ancien, quoi. Celui qui a connu les films des Burton et la série d'Adam West. Voilà, quoi. On va pas non plus s'attarder. Hein. On connaît un petit peu l'esprit. Et puis, je pense qu'on peut enchaîner sur les versions alternatives. Bah ouais, moi, je. Il ouais. y a aussi un toi, film. Tu veux faire quelques références quelques... Non, non, c'est juste qu'il y en a un, je voudrais parler, parce qu'il est assez confidentiel. C'est un film Harley Quinn qui était sorti en version animée. Elle fait équipe avec Batman et Robin, enfin Batman et Nightwing, parce que c'est plus Robin, c'est Nightwing. Mm-hmm. Et celui-là, je peux vous le conseiller, parce qu'il y a des scènes assez cocasses dedans, notamment le viol de Nightwing, qui est assez rigolo. Viol pas un viol, mais elle se le fait, quoi. Voilà. Elle essaye, quoi. Il y a un moment, elle arrive à le kidnapper, parce qu'ils sont en train de se battre dans la rue. Elle le kidnappe, elle l'attache au lit, puis elle est en train de se changer. Puis voilà, il y a une érection, et puis elle couche avec, quoi. Une érection, le mec. Puis t'as Batman qui les interrompt. Il montre ça dans un film d'animation. Ouais. Ah bon ? Ah, c'est pour ça que les films d'animation, c'est pas forcément pour les petits. Ah, tu vois, bah, avant Batman Damned, bah, y a eu cette Harley Quinn spéciale. Voilà, il n'y a rien d'explicite, mais voilà, on nous montre qu'ils ont passé du bon temps ensemble. Enfin, il n'y a rien d'explicite, mais c'est clairement expliqué, quoi. Ah bah oui. Ouais. L'explicite, le truc explicite, ouais. Ouais, voilà, comme les versions alternatives, bah, il y en a pas mal, hein. Moi, j'ai sélectionné quelques-unes. Alors, je commencerai en 2011 par Flashpoint. Le Flashpoint. Oui, alors, le scénario, c'est que... Bah, c'est en fait, ouais. C'est pas Wally West, donc c'est l'autre Barry Flash, Allen. Barry Allen, qui remonte le temps pour sauver sa mère, en fait, hein, tout simplement. Et en faisant ça, il déclenche des éléments en chaîne, une catastrophe. Ouais, mais c'est pas un peu outrancier, moi, je veux dire, il sauve sa mère, mais en quoi ça change le destin de Superman? Parce que j'allais dire, rien que le fait d'aller sauver sa mère, bah du coup Clark, au lieu d'atterrir, enfin de s'écraser dans un champ, bah il va s'écraser en pleine ville à Metropolis et c'est les militaires qui le récupèrent, enfin tous les trucs comme ça. Quoi. C'est comme Batman, t'as cette scène, bon on sait que c'est pas Bruce Wayne qui prend l'habit de Batman, c'est son père Thomas. Thomas et la mère qui devient le Joker. Qui est quand même un peu plus violent que son fils. Hein. Il casse les doigts. Il hésite pas, Barry, hésite pas à balancer des mecs du tout encore une fois. Il y a un peu dans la veine du Batman de 1939, on va dire. Ouais, puis Thomas, c'est quand même... Ouais, c'est Batman. À la base, c'est un médecin, donc... Thomas, il tue. Il a pas de problème. Il s'en tape. Il tue le Néga Flash d'une balle dans la tête, quoi. Lui, à la limite, il, après le meurtre de son fils, et de sa, parce que c'est Bruce qui est tué par le malfrat, il est hyper violent, là. Et là, il est complètement névrosé, quoi. Il est au-delà de tout. Et même sa mère, elle devient complètement folle, et je pense qu'elle devient une espèce de Joker. Elle devient une espèce de Joker. Ça sort de nulle part, quoi, je trouve. Non, mais ça, c'est des mecs qui sont dit what if, hein, tout simplement. Ouais, ouais. Mais c'est débile, quoi. J'ai pas trouvé ça très fin, quoi. Enfin, voilà que Thomas Wayne, moi, je trouve que c'est une version intéressante de Batman, tu vois. Même si le truc se termine assez mal, quoi, faut le dire. Puis le Superman qu'il propose, il est très sombre, hein, comme Superman. Non, c'est tout gringalé. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien. C'est, il le garde pour faire des expériences sur lui, c'est tout. Il y a même cette guerre entre... On ne sait pas d'où ça vient non plus. Entre Aquaman et les Amazones. Ouais, entre Aquaman et Wonder Woman qui se tape sur la tronche, quoi. Wonder Woman, Aquaman est parti sur Themyscira pour dire juste un coucou, entre guillemets. Mm-hmm. Et puis, il finit par se faire Wonder Woman, sa femme les voit. Puis Wonder Woman, la femme... Mera veut aller tabasser Wonder Woman, puis Wonder Woman lui tranche la tête. D'accord. Alors, du coup, Aquaman l'a pas bien pris, je comprends pas pourquoi. Alors qu'à l'origine, c'est lui qui a montré son aubergine. C'est hyper sombre, hein, Flashpoint. Le Flashpoint est hyper sombre. Il n'y a pas d'humour. C'est vraiment. On va jusqu'au bout. Hein, T'as Wonder Woman qui tue Steve Trevor, des trucs comme ça. Oui, Steve Trevor, il passe aussi, c'est vrai en plus. Quel récit, t'en prends plein la tronche, quoi, quand tu lis ça. Hein, tu dis vraiment, là, ils ont poussé le curseur à l'extrême, quoi. Après, t'as Dieu et Monstre. Bon, toi, tu l'as pas vu. C'est un anime qui était sorti en 2015. Bon, là, on a trois. Ce qui se passe, c'est que là aussi, ce que j'appelle la Trinité. Enfin, c'est la Trinité, tu sais. On a la Trinité qui a complètement changé d'identité. C'est-à-dire que Superman, c'est le fils de Zod. Wonder Woman, c'est pas une déesse, c'est une extraterrestre. Et puis, t'as le Batman qui est Kirk Langstrom. Donc, Kirk Langstrom, à l'origine, c'est le savant qui est devenu Batman Bat dans les comics. En fait, Batman est devenu une espèce de vampire qui doit se nourrir de sang, un peu à la manière de Blade, tu vois. Il fait tout pour pas boire le sang des humains, mais il y a un moment il craque un peu, quoi. Il y a la soif du vampire qui le tourmente des fois. Comme dans Blade, la soif est la plus forte, comme c'est ça. Toujours, quoi. Mais c'est pas mal fait, c'est pas aussi sombre que Flashpoint. Alors Gotham Gaslight, ça c'est encore une autre version alternative de notre ami Bruce Wayne. C'est que il a situé l'intrigue dans... C'est pas un voyage dans le temps. Hein. Et si Batman avait vécu dans un Gotham à la fin du 19e siècle, où avait sévi Jack l'Éventreur, tout simplement. Alors lui, c'est le détective qui enquête sur les meurtres de Jack l'Éventreur, avec tout l'espèce d'ambiance, tu sais, avec les brouillards de Londres. Un peu victorienne, j'allais dire. Ouais, c'est ça, c'est l'époque victorienne. Et très sombre. Et voilà, comme moi, j'ai pas vu le film, mais c'était juste pour le signaler que graphiquement, ça a l'air très beau. Maintenant, je ne sais pas ce que donne le film d'animation. Et je vais peut-être te laisser parler de Ninja. Batman en Ninja. En 2018. Ouais. Donc moi, je l'ai trouvable sur Netflix. Ah, je me suis bien fait chier, non? Donc là, c'est Batman qui veut arrêter Gorilla Grodd, qui est à Arkham et qui a inventé une machine à voyager dans le temps. Et puis, il se retrouve dans le Japon féodal. Et puis là, nique la logique. Il n'y a plus rien de logique après. C'est-à-dire que le premier combat, il va avec la Batmobile qui a réussi à voyager dans le temps pour aller casser la gueule au Joker. Et puis, ça rate parce qu'il l'attendait. Donc, il n'y a plus rien. Et il se retrouve sans rien, sans technologie, sans machin, sans tout. Et voilà. Il se reconstruit en tant que guerrier pour pouvoir... battre le Joker, et puis après ça devient complètement mindfuck, quoi. Il y a des robots géants faits à base de singes et de chauves-souris, à base de bâtiments, et ça devient entre Goldorak et Naruto et Batman, on a l'impression qu'ils ont mélangé plein d'univers, qu'ils l'ont bu, qu'ils l'ont dégueulé sur la table, et ont dit voilà un scénario. Ouais, t'as l'impression qu'il y a une espèce de méca, un combat de méca, à un moment, j'ai trouvé que ça allait un peu dans tous les sens. Ah ouais, ça part complètement dans tous les sens, puis je t'ai montré le style graphique aussi. Le style graphique qui change aussi. On passe d'un style plus ou moins moderne à un style un petit peu artistique, tu vois. Moi je sais pas, j'ai pas vu, donc je vais pas donner un avis. Mais est-ce que tu le recommandes pas de toute façon? J'étais très déçu. Moi je suis fan de manga, mais c'est ça, c'est un manga, hein, mais pas un bon. C'est-à-dire que là, c'est un mindfunk global, quoi. J'arrive plus rien à suivre. On est un peu dans le déjanté, quoi. Ouais, puis je suis content que ça se termine, quoi. J'étais le générique de fin, c'était mon moment préféré. Ouais, donc on a parlé un peu film d'animation. Maintenant, je vais un petit peu donner quelques exemples de Batman qui sont arrivés sur le comics. Alors, je vais commencer par White Knight, donc le Chevalier Blanc, en 2017. Alors, c'est un comics qui est signé Sean Murphy, où justement, le Joker, grâce à un médicament, apparemment, les médicaments guérissent de la folie, dirais-je, d'une folie meurtrière. Eh bien, ce qui se passe, c'est que il prend un peu le rôle de redresseur de tort de Gotham. Et ça dérange pas les gens qu'un ancien psychopathe, c'est ça qui est un peu bizarre dans ce récit, c'est que ça dérange dérange pas les habitants de Gotham que le Joker décide d'être comme ça le justicier de Gotham du jour au lendemain, et puis faire passer Batman pour un gros névrosé, un gros psychopathe qui tue des gens, quoi. Tu vois, l'idée est pas mal au départ, mais je pense qu'elle est un peu mal exploitée au cours du récit, quoi. C'est que il y a peut-être pas beaucoup de cohérence dans ce qu'ils veulent raconter, tu sais. Ils prennent pas en compte le fait que les habitants, par exemple, je dis le Joker est par un moment il va se présenter au poste de maire et il s'achoue personne, tu vois. Ouais, c'est un peu le Tyler de l'univers de Batman. Ouais, c'est un peu ça, ouais, le Tyler de Star Discovery. Tu vois, donc je vais pas m'étaler, c'est pas un mauvais comics, mais il y a des trucs qui choquent par moment. Après t'as là le Batman Metal, alors c'est en plusieurs volumes, et le Batman Metal, bah c'est toi qui me l'avais je t'en avais parlé, ouais, surtout du Batman vaguement. Le Batman Kirin. Ouais, alors j'ai regardé, je me suis un petit peu renseigné quand même. Et j'étais très impressionné parce que je trouve que c'est un Batman qui vient d'une autre dimension. Donc il est dans cette autre dimension, il y a le Joker qui a inventé une espèce de virus. Non, en fait, dans l'autre dimension, c'est pas qu'il a inventé, ouais, le virus. C'est que là, Batman finit par tuer le Joker. Ouais. Et quand il lui brise sa trachée, il y a le gaz du Joker qui arrive dans Batman. D'accord. Donc Batman contaminé par la folie du Joker. Mmh. Et puis là, c'est la Batman avec la mentalité du Joker, plus de défaut, quoi. Tu vois. Et la justice, il s'en fout, il a son but, et puis il devient super intelligent, super machiavélique. Puis à un moment, il convoque toute la Bat-Family pour dire les mecs, je suis en train de péter les plombs, vite, faut venir m'aider, etc. Et il les tue tous, d'une façon plus horrible que les autres. Ouais, c'est un récit très sombre sur un personnage qui dérive complètement dans l'extrémisme, quoi. Ah, puis il devient excellent, parce qu'il a plus les limites du Batman. Ah, quoi. Ouais. Bah, il tue, pas de problème, quoi. Ouais, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que il a hérité aussi de la personnalité du Joker. C'est qu'il est complètement hanté par ce personnage. Comme tu dis, les personnes qui n'ont plus de code de moralité, ouais, la schizophrénie. Mais là, le pire, c'est que là, il a, c'est pas qu'il a plus de moralité, c'est que il est et Joker et Batman, c'est-à-dire qu'il y a plus de limite, quoi. C'est limitless, c'est le meilleur Batman qu'on peut trouver parce qu'il a pas de limite. Donc on parle de cette dimension, hein, parce qu'il faut bien situer aussi l'histoire. C'est que il y a cette dimension où le Batman est devenu le Joker, donc complètement fou et sanglant, hein, très sanglant. D'ailleurs, ce comics est particulièrement violent. Hein. J'ai vu quelques planches. Il est très violent. Ouais. C'est un comics hyper. Et d'ailleurs, moi, le style de Batman là, avec l'espèce de grillage qu'il a devant la tête là. Ah, la Hellraiser. Ouais, ça fait un peu Judge Def dans le Judge Dredd, tu sais, l'espèce de version alternative de Judge Dredd, mais avec une espèce de casque avec un grillage. Et mais c'est plus une référence graphique que le personnage lui-même. Donc ce personnage de Batman Kiri, il arrive justement dans la dimension du Batman qui lui est le Batman de la continuité des DC Comics. Et il y a cette espèce de combat avec Robin, tout ça. Et puis et apparemment ce Batman Kiri, il a la possibilité de passer de corps en corps, d'après ce que j'ai lu. Donc quand il meurt, quand Batman le tue, en fait il a la particularité de pouvoir hanter, il est un peu mystique, hein, quelque part ce personnage, de hanter les personnages qui sont proches de Batman et de les faire sombrer dans la folie. C'est ça aussi l'arc narratif du truc, c'est que Batman puisse détecter quelle personne et comment l'arrêter, quoi. Tu vois, il y a un côté un peu spirituel. Et puis Batman va devoir aussi inventer une toute nouvelle technique de combat pour pouvoir lutter contre lui. Parce que en fait il a tous les mêmes techniques de combat que lui. C'est ça. C'est comme dans un miroir, en fait, hein, c'est ça. Bon, là, donc, Metal, c'est un arc de Scott Snyder. Et Snyder sera très, très, très prolifique parce que cette année, il a sorti un crossover qu'on appelle Decided. Alors, décédé en français. Decased. Ouais, Decased. Décédé. Ouais. Et dans ce nouvel arc, en fait, t'as une espèce d'apocalypse. C'est en fait lié à Darkseid, qui a fait des expériences scientifiques. Mais ça a mal tourné. Il y a un virus qui s'est propagé sur Terre. Et donc, on en parlait tout à l'heure, hein, de toute façon. Ah, mais t'es en train de me raconter Marvel Zombie. Ouais, ouais, ouais, mais à part c'est pas ça, c'est l'univers Marvel, c'est le DC Zombie, on va dire. Hein. C'est un peu ça quand même. Hein. Ah, pour vous replacer, c'est plus pratique. Bon, c'est Marvel Zombie version DC. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont contaminés, puis ils se mangent entre eux, puis c'est très gore, hein, faut le dire. Hein. Il y a de très belles couvertures avec. On voit ce Batman complètement ensanglé, complètement déformé, avec les lambeaux de chair qui sont. Qui, qui sont tous déchirés, avec le visage déchiré, et ça se termine très mal. Hein, mais bon, et voilà quoi. C'est encore opportuniste. Je suis un peu étonné que Marvel n'ait pas porté plainte, vu que c'est un petit peu du plagiat pour moi. Mais bon. Ouais, mais en plus, c'est en plein dans la lignée de The Walking Dead. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est de l'opportunisme commercial. Après, les zombies, c'est pas un terme spécifique à Marvel, hein, sinon eux aussi, ils ont plagié de plein de monde. Mais c'est vrai que ça fait carrément copier. On change les personnages, on fait coller. N'est pas sûr qu'ils gagneraient leur procès, parce que de toute façon, comme tu disais, il y a beaucoup de personnages Marvel qui sont issus du DC Comics. Ils existaient bien avant les années 60. Et vice-versa, Thanos, Darkseid, Hawkman, ouais. Batman, Hyperion, Superman. Ouais, c'est carrément ça, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le problème des comics. Hein. Tout sort cycle, on va dire. Voilà, quoi, pour les versions principales, versions alternatives, hein, y en a d'autres, mais je vais pas m'étaler. On va parler un petit peu de tout ce qui est crossover, maintenant, que ce soit comics ou anime. Alors, bien sûr, le crossover, c'est souvent Batman se retrouve avec la Justice League. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, ça, c'est le crossover logique. C'est-à-dire que... C'est le first, le premier. Ouais, puis, enfin, je trouve ça normal. C'est-à-dire que, voilà, ils sont dans la même planète, même dimension, etc. Ouais, ils ont des affaires à faire ensemble. Donc, oui, il y a pour moi, ça me choque pas. Par contre, ce qui est étonnant dans la Justice League, c'est que Batman est le seul qui n'ait pas de pouvoir et il arrive toujours à s'en sortir. Il y a quasiment pas besoin des autres pour. Si tu prends le premier épisode de la Justice League contre les Martiens blancs, je veux dire, il se bat avec des Martiens blancs. Les Martiens, c'est pas n'importe qui, hein, ils peuvent rivaliser avec Superman. Je veux dire, il se bat avec eux, avec les arts martiaux, apparemment, c'est bon quoi. Puis à un moment, on croit qu'il est mort, mais il est pas mort. Puis c'est Batman qui sauve la situation, souvent. Ouais, c'est sûr. Non, Justice League, c'est le schéma incontournable des 80 ans de Batman. Hein. Que ce soit dans les comics ou dans les films d'animation. Même dans les films d'animation, films tout court, Films tout court, il n'y a que Justice League, hein. Après, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Oh, mais je suis désolé, Batman vs Superman, c'est Justice League 0.5. Ouais, c'est la Trinité, moi je dirais plus cette Trinité, mais bon. Après, il y a la Justice League Dark, alors ça c'est autre chose. C'est un peu plus intéressant, je trouve. Parce que, Justice League Dark, c'est le papa de Raven, je crois, Trigon. Non, je me trompe. Non, Justice League Dark, c'est... Je suis en train de raconter Justice League versus Teen Titans. Ah ouais, d'accord, c'est autre chose. D'accord. Mais Justice League Dark... Donc Justice League Dark, ça rassemble. Ouais, ça y est, ça me revient. Non, ça rassemble. On en parlait tout à l'heure dans Batman de Damned. Constantine, Deadman. Zatanna, Constantine, Deadman. Swamp Thing. Bah, Swamp Thing, il est sporadique. Hein. Il arrive juste à la fin. Et puis, c'est les principaux. Batman, hein. Et puis j'en oublie peut-être. Des fois, t'as l'enchanteresse qui s'en mêle. La maison esprit aussi. Donc t'as tous ces personnages un petit peu spirituel dans l'univers mystique, un peu comme le serait Doctor Strange dans le milieu Marvel. C'est vraiment un côté plus sombre, dark, de toute façon. Justice League porte, Dark, c'est pas les ça porte, ça porte bien le nom, c'est-à-dire que généralement ils ont tous des costumes qui sont un petit peu ternes, qui vont pas dans les tons flashy ou machin, un peu comme Superman ou Wonder Woman qui arborent du rouge et du bleu par exemple. Là on est plus dans la teinte de marron, un gris un peu terne, tu vois. Superman apparaît, il est un peu terne aussi. Hein. Voilà quoi, mais Justice League Dark, moi j'ai bien aimé. C'était un petit vent de fraîcheur, mais je trouve que Batman n'avait pas grand chose à faire là-dedans. Non, c'est vrai. Parce que c'est plus Constantine, hein. C'est vraiment basé là-dessus, c'est lui qui mène l'enquête, c'est même lui qui se fait trahir par son mentor. Enfin, voilà. Ouais. Pour moi, c'est Constantine Dark. Ouais, Constantine Verse peut-être. Il y avait un truc de Constantine, c'était Hellblazer, je crois, pour Constantine à la base. Ouais, donc après les autres, on va un petit peu survoler tous les. Ouais, mais il y a eu crossovers, hein, versus Teen Titans. Ouais, Superman. Mais c'est plus des crossovers Justice League. C'est juste que Batman, c'est le seul qui est pas contaminé par Trigon parce qu'il s'injecte une toxine, quoi. C'est tout. Sinon, on le voit pas se battre. Bah non, moi je voulais dire, c'est s'éloigner un petit peu. C'est-à-dire que Batman, il a un petit peu aussi animé les pages des Marvel Comics. Alors on l'a retrouvé aux côtés de Captain America, de Daredevil, de Hulk, de Spider-Man, de Punisher, tu vois. Il y a aussi des personnages un peu qu'on attendait un peu moins, comme des univers de Dredd ou de Hellboy. Ça c'est vraiment particulier, quoi, parce que c'est... C'est complètement à part. C'est même antinomique, quoi, moi je dirais. Mais c'est dichotomique, hein, complètement. Ouais, ouais. Ou Spawn, par exemple, parce que Spawn c'est un personnage que j'aime bien aussi. J'espère qu'ils avaient le budget. Ouais. Mais là, c'est plus dans les comics, donc le budget, c'est juste beaucoup de comics. C'est comme Alien. De toute façon, Superman et Batman partagent beaucoup de points communs, hein, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu allés dans les licences Dark Horse Comics. Si l'Alien, tu sais, ou Predator. Mais il y a même un crossover avec Dracula ou Tarzan, tu sais. Ah, par contre, Batman versus Predator était bien. Enfin, j'ai trouvé ça bien. Mmh. Graphiquement, c'est un peu moyen, mais non, l'histoire était correcte. Ouais. J'en prends plein la gueule, ça fait du bien de voir Batman en difficulté. Puis il y a aussi des icônes comme la littérature, comme Dracula ou bien Tarzan ou Scooby-Doo. Ouais, Scooby-Doo, ouais, tu l'as vu le film d'animation, parce qu'il paraît que c'est pas c'est pas génial, quoi. Non, il y a des trucs qui sont pas géniaux, mais là, il y a des trucs nuls. Ça fait partie plus des trucs nuls que pas géniaux. Ouais, mais le problème, c'est que qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. Le Batman, qu'est-ce qu'il vient foutre dans l'univers de Scooby-Doo, qui est quand même assez fantaisiste. Bah, à la rigueur, tu vois, il y a un truc que j'aurais peut-être plus connecté, c'est qu'ils injectent le Batman de 66 dans la série de Scooby-Doo. Je pense que ça aurait mieux collé, tu vois. Ouais, c'était le même humour, hein, ou le Batman de Super Friends, à la rigueur. Mais ouais, bon, c'est ça. Là, ça collait pas, hein. Bon, je te laisse parler de Tortue Ninja, après je parlerai de Watchmen. Bah oui, il y a eu Batman versus les Tortues Ninja. Donc là, encore le truc qui sort de n'importe où, quoi, ça, je veux dire. C'est... À un moment, voilà, puis t'as les tortues qui disent « Quoi, Batman existe ?» Voilà, j'ai envie de dire, même pour vous les mecs, hein, on savait pas que vous existiez. Puis bah, ils se retrouvent sur une enquête commune, puis comme par hasard, Shredder et Ra's al Ghul font équipe pour gouverner le monde, et chacun veut trahir l'autre. Ouais, les gros méchants classiques. Puis bah, je sais pas, Shredder, il fait un peu baltringue dedans, quoi. Il se fait malmener par Ra's al Ghul, il arrête pas de le calmer, quoi. Tu sers à rien, sans ton clan t'es rien, machin. Et puis bon, voilà, quoi. Ce qui est le seul truc marrant, c'est de voir Ra's al Ghul se prendre un coup de pied dans les couilles par Donatello, puis c'est tout, quoi. Ah oui, jusque là, ouais, c'est bas de gamme, quoi. Bah non, en fait c'est pas bas de gamme, c'est que Ra's al Ghul, il dit tu peux pas me battre, ça fait plusieurs centaines d'années que je m'entraîne. Et là tu lui connais un coup de pied dans les marrons, puis il dit bah moi je suis un gamin de 16 ans et j'ai appris ça tout seul. Voilà. Oh mon dieu, c'était drôle. Ouais, tout à l'heure tu disais qu'il y avait quand même une différence de ton entre le comics et l'animation. Bah j'ai eu quelques pages du comics. Bah déjà c'est des univers parallèles, c'est-à-dire qu'à un moment ils se font aspirer dans un univers parallèle. Là tu comprends déjà mieux, là. Tu dis bon bah univers parallèle, ça colle, puis c'est plus dark, hein. Batman quand il se transforme en chauve-souris, ouais c'est dark. Là ça reste pour enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Bah moi je vais parler de Watchmen parce que bon, c'est plutôt une licence que j'aime bien, que ce soit le film ou les comics. Et là ils ont sorti un arc narratif qui s'intitule Doomsday Clock. Et là, justement, le principe de DC, c'est d'intégrer les personnages de Batman dans la continuité des Watchmen. Et là, on a un gros crossover, c'est-à-dire qu'ils font alliance avec, je ne vais pas spoiler parce que sinon ça n'a aucun intérêt, ils font alliance avec des X-Men qui sont encore existants, et pour justement un petit peu contrecarrer une nouvelle apocalypse qui doit se passer avec le Docteur Manhattan, justement, t'as Manhattan qui revient, et il y avait tout une espèce d'arc qui a été préparé dans un numéro spécial de Flash. Et là, franchement, je trouve que c'est vraiment bien écrit et que on a vraiment la collision entre les deux univers. Tu vois, c'est on perd pas les bases et puis on continue aussi l'univers chaotique de Watchmen. C'est-à-dire que ça se passe quand même 30 ans plus tard par rapport au premier comics. Ça continue et quand même un petit peu du mal à expliquer l'histoire, parce que si je rentre plus dans les détails, je vais spoiler, et c'est une série qui est en cours et qu'il faut suivre. Alors j'espère qu'elle va sortir en français, comme ça vous pourrez la lire et vous pourrez vous faire votre propre opinion aussi. Mais si vous aimez les deux univers de soit de Batman ou soit de Watchmen, je pense que vous apprécierez le tout. Voilà, je pense que pour les crossovers on est un petit peu survolé, on va peut-être passer au spin-off, tout ce qui est film et série, quoi. Bon, on n'a pas tout vu non plus, hein, mais bon, on peut quand même citer, quoi. 80 ans, on peut pas tout voir, hein. Ouais, c'est ça. Déjà la première série qui est sortie un peu de spin-off, ça a été Les Anges de la Nuit, donc en anglais Bird of Prey, ouais c'est ça. Et on passe des oiseaux de proie aux Anges de la Nuit. Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre, quoi. Mais là c'est une série qui rassemble Huntress, Oracle, Black Canary, et justement t'as une première version live de Harleen Quinzel, quoi. Donc le docteur Harley Quinn qui a été guéri de son addiction avec le Joker dans cette série. On guérit bien de la psychopathie dans l'univers d'ici, ouais, quand ouais, ça nous arrange. Hein. T'as vu, ça s'arrange. Hein. Ah, ça s'arrange bien. Ouais, ouais. Mais voilà, quoi. Mais je pense qu'elle garde quand même un fond un peu psychopathe dans cette série, parce que je pense que c'est une adversaire des anges de la nuit, on va dire. C'est plus les Birds of Prey, c'est les oiseaux de proie. C'est mieux, je trouve. C'est mieux traduit. Bon, une série qui a pas duré longtemps, mais qui était pas exceptionnelle non plus, hein. Faut dire que les moyens n'y étaient pas non plus et que on est un peu dans le trip fauché, quoi. C'était une première tentative, on va dire. Après, il y a beaucoup de séries du style, je veux dire, complètement spin-off, hein. On a Powerless. Alors, Powerless, c'est l'histoire qui se situe dans l'entreprise de Bruce Wayne. Ah, j'ai vu tous les et épisodes. Il y a justement son... Tu connais ? Ouais, je Donc connais. Il y a justement le cousin de Bruce Wayne, Van, qui gère tout ça, et c'est qui gère un petit peu les, tout ce qui est dommages collatéraux. Non, c'est une entreprise de R&D, de recherche et développement. C'est-à-dire qu'ils inventent des trucs comme un parapluie anti-écrasement. C'est-à-dire que quand les super-héros se battent et qu'il y a des bouts d'immeubles qui tombent, ils inventent un parapluie pour que... Et puis à un moment, ouais, c'est, voilà, pour résumer l'humour de la série, à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais ceux qui n'ont pas de parapluie, on se fait écraser. » Il dit « Bah, ils ont quand même acheté un. » Enfin, tu vois, c'est plus dans le comique que ça. Il y a beaucoup de dérision apparemment dans cette série. À un moment même, la secrétaire de vente, elle a des pouvoirs de flash, tu vois. Puis elle s'en sert juste pour aller chercher des jus d'orange, des trucs comme ça. Ouais. Un powerless, c'était pas inintéressant. C'était plus Wayne. C'est pas Wayne Enterprise, ça va être Wayne Tech ou un des deux. Puis c'est des plans de licenciement à chaque fois. Puis ils inventent un nouveau truc, comme le fait de pouvoir trouver des ennemis à l'odeur ou des trucs comme ça. Ouais, donc c'est une série qui pourrait se revendiquer de la série de 76, quoi, finalement, quelque part. Non, bah, ça reste sur l'humour, ouais. Potache. Ils sauvent pas le monde, hein, c'est pas le but de la série, mais. Ça reste dans le badverse, quoi. Ouais, ça reste dans le badverse. On parle beaucoup de Batman. Il y avait un moment, son cousin, il se déguise en Robin pour aller rencontrer Batman parce qu'ils ont trouvé un batarang quelque part. Et puis, il se déguise en Robin, et puis bah, Batman, on le voit pas. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, ils se disputent, et puis tu entends juste un bruit, et c'est Batman qui a récupéré son batarang sans que personne le voit. Puis du coup, il est dégoûté, il rentre dans son entreprise, il est en train de se faire cambrioler et tous les méchants ils se barrent. Ah, c'est Robin, Batman doit pas être loin, puis il se barre. Voilà, c'est l'humour de la série. Ouais, bah, je vais passer un petit peu sur les séries parce que c'est vrai qu'on va dire que Batman est présent, mais de très loin, comme la série Gotham par exemple, tu sais, où, qui relate tous les enquêtes de Gordon. Au début, j'avais bien apprécié cette série, mais je l'ai vite arrêté parce que je trouvais qu'on était un petit peu outrancier dans le fait que Bruce Wayne dedans est très jeune. Il vient de perdre ses parents et il y a tout ce cheminement, il y a une espèce de, on va dire, de raccourci mais mortel dans une saison qui fait qu'il devient aussi fort que s'il était adulte. Et puis t'as toute cette galerie de méchants de Batman qui reviennent alors qu'il devra apparaître qu'une fois qu'il est en fonction, quoi, tu vois. Il y a un problème de rapport de force entre Gordon et certains vilains, quoi. Voilà, ouais. Des vilains clairement où la police fait pas le poids. Hein. C'est, non, c'est ils sûr. Cherchent pas, ils ont des moyens et tout. Et puis, bah, t'as l'impression que Batman c'est Gordon là-dedans. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le cogneur. Il sort son flingue pour buter du vilain, mais et puis il résout les affaires assez facilement, quoi. Je trouve que c'était plutôt bien écrit pour les premières saisons. Et après, c'est parti un peu en vrille, quoi. Après, il y a eu les séries. Alors 2018 et 2019, c'est vrai qu'il y a une prolifération de séries de Batman. Certainement à cause peut-être du fait que c'était les 80 ans. Je pense que ça a dû jouer pas mal. Ouais, ouais. Alors, t'as Titan, Titans, avec Robin qui mène le petit groupe de jeunes, là. Toi, tu connais un petit peu l'univers de Titans. Je connais l'univers des Teen Titans. Ouais, mais ça se souvient pas beaucoup, quoi. Il y a Starman, je sais comment elle s'appelle. Il y a Starfire, ouais. Cyborg, Changeling, je sais pas s'ils ont mis Changeling dedans. Raven et Robin. J'en oublie peut-être. Il y a aussi la série dérivée sur Pennyworth. Alors, c'est la série sur la jeunesse d'Alfred dans les services secrets. Alors, ça rejoint un petit peu un arc narratif qui avait été créé dans les comics. Et aussi le fait que ça avait été exploité aussi dans les films avec Ben Affleck, tu vois, le côté agent secret badass. Ouais, le côté je suis pas juste là pour faire du thé, comme je disais tout à l'heure. Bah, là aussi dans Gotham, l'Alfred est un ancien des services secrets aussi. Hein, donc, même dans la cour des hiboux, par exemple, il y a un moment, t'as quand même Alfred qui va au fusil à pompe, hein, contre tout le monde. Bon, ah ouais. Bon, ouais. Ça change un petit peu, quoi. Ouais, c'est vrai que... Mais tu vois, ils lui donnent pas d'expression. C'est-à-dire, ils mettent Alfred qui tire au fusil à pompe, puis sa gueule, c'est toujours « je suis Alfred, tu vois, je suis le majordome ». Tranquille, relax, tiens un ennemi, baf. Voilà, à peu près la même chose. Ensuite, cette année, la dernière série en date, c'est Batwoman, donc dans la Arrowverse. Ah, faut arrêter avec la Arrowverse. Donc on a bientôt ce crossover de la mort, là. Ils ont Crisis voulu faire, ils ont voulu faire Avengers, mais c'est du Avengers plutôt fauché, j'ai l'impression, mais bon. Mais Crisis, ouais. C'est du Avengers Discount. Ouais. Du Avengers Infinity War, Avengers Endgame, et là on a Avengers Discount. C'est plutôt du DC-verse fan film pour moi, mais bon. Mais Batwoman, donc... avec le personnage de Katie Kane, qui est la cousine de Bruce Wayne, en fait, hein, dans la continuité. Et puis là, c'est la Katie Kane, c'est la dernière en date. Hein. Parce qu'il y en a plusieurs aussi de Batwoman, comme de Batgirl. Hein. Voilà, quoi, pour les séries. Pour les films, c'est pas très glorieux non plus. Hein. Le premier que je citerai, c'est plutôt Catwoman, avec Halle Berry. Donc, qui est face à Sharon Stone. Et elles sont aussi mauvaises l'une que l'autre, pour moi, mais bon. Ah, c'est dur à trouver la plus mauvaise des deux. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est la direction artistique qui était nulle, tout simplement. Déjà, c'est réalisé par un Français qui s'appelle Pitoff, qui était un technicien d'effets spéciaux, qui avait réalisé Vidocq, qui est pas très bon. Donc lui, il est parti aux États-Unis pour faire cette daube. C'est de la daube, hein, faut le dire. Ah oui, c'est pure daube, ce truc. C'est pas bon, c'est mal joué. Les effets spéciaux sont catastrophiques. Je parle justement cette scène où justement Catwoman court sur les toits et fait des espèces d'acrobaties, on n'y croit pas du tout. C'est au niveau de doublure numérique, tu sais, c'est vraiment moche. Ouais, c'est, ça passait mieux dans Electra, c'est pour venir. Ouais, c'est ça, c'est aussi mauvais. C'est sur le même plan pour moi, hein, mais voilà quoi. Mais on va pas non plus s'étaler, mais bon, c'est parce que ça fait référence au personnage de Catwoman qui est lui-même un personnage du Batverse. Il y a Suicide Squad. Alors, Suicide Squad, on en a parlé en long et en large. Mais est-ce que tu veux en parler de ce film très mauvais, d'ailleurs? Non, bah moi, j'attends juste le spin-off hein, sur notre cher ami Slipknot. Ouais, Slipknot qui fait combien 3 minutes dans le film, on va dire. Ah, lui, j'espère qu'il a réclamé son cachet en fonction du temps qu'il a parlé. Parce qu'il ne va pas gagner beaucoup. Mais de tout, ouais. Non, Suicide Squad, c'est le syndrome Marvel. Ils avaient fait un film hyper sombre. Puis tu vois qu'ils ont rajouté des scènes pour te dire faut qu'on fasse rigoler un peu. La concurrence, elle fait ça. Voilà, c'est oubliable, hein, franchement. Il te claque Will Smith pour le côté fun, alors que c'est Deadshot ou Deathstroke Deathstroke, qui est un personnage quand même assez grave dans le comics. Là, ça devient un petit peu un rigolo parce que c'est Will Smith. Et la seule qui se distingue dans le casting, je pense que c'est Margot Robbie qui réussit à nous faire une belle Harley Quinn. Toute la com, elle a été faite sur Robbie et sur Smith. Hein. Les autres, je suis désolé, je ne vais pas te les citer. Complètement, t'as Captain Boomerang aussi dedans, t'as l'espèce de mec qui fait des flammes, Diablo. Puis t'as l'enchanteresse qui est la pire de tous pour moi, mais bon. Carla Delevingne, ouais. Alors vraiment, quelle horreur. Tout est foiré dans ce film, hein, que ce soit fait spéciaux, scénario. Non, il n'y a que la mort de Slipknot qui est bien, sinon tout le reste est foiré. Puis t'as une petite apparition de Ben Affleck dans une scène post-générique. Tu vois, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils t'ont été chercher, ce que j'ai dit, comme l'effet de Godzilla de tout à l'heure. Ils ont été chercher un morceau de Batman pour te mettre dans le film, pour dire, peut-être le mettre un petit peu, parce que sinon, ils n'en vont pas venir. Il y a deux scènes de Batman, hein, on va dire. Celle où il arrête Deadshot, où il flingue pas la petite fille, là, je sais pas quoi, il y a une histoire avec une petite fille. C'est sa fille, donc il va pas la flinguer. Ouais, ouais. Donc, tu vas tuer devant ta fille Non, je me rends. Ouais. Tu veux pas Deadshot, ça n'a rien à foutre. Qu'est-ce que c'est, dans la BD, il l'aurait flingué. Ouais, complètement. Mais c'est naze cette scène. Et après, où il arrête Harley Quinn. Non, c'est la scène où il est avec Amanda Waller. Alors il y a trois scènes, pas deux. Parce qu'il y a un moment, il arrête Harley Quinn. Ouais, il monte sur la Lamborghini. Ah oui, avec le Joker, dans l'eau. Là. C'est notre rendez-vous en amoureux. Ouais. D'accord, il y a trois scènes. Ouais, j'avais complètement oublié qu'il y avait trois scènes avec Ben. Pour moi, c'était la scène avec Waller qui était oubliable. Mais d'accord. C'était juste le prémisse de Justice League. Tiens, voilà le fichier pour trouver les méta-humains. Tiens, la clé USB avec les logos et tout, tu t'en souviens de ça? Tiens, en échange, tu dis que c'est pas moi qui a fait des conneries. Ça fait ça. Ouais, c'était naze. Waller, de toute façon. Avec Wayne. C'est vrai qu'elle a rien à foutre là, cette scène, hein, franchement. C'était vraiment pour remonter à Ben Affleck. Hein. Non, c'est vrai que les apparitions de Batman, bon, elles sont classe, mais elles sont pas terribles. Ouais, mais c'est comme sporadique. Comme l'apparition de Flash quand il arrête Boomerang. C'est nul aussi. Ça. Mais tu demandes qu'est-ce qu'il vient foutre là, genre. Yep, voilà. Moi, je veux bien que le Flash il est rapide. Ouais. Je plains sa copine. Mais enfin bon, là, ça n'a rien à foutre là. C'est vraiment un multi-pone de Nawak, ce film-là. Franchement, c'est naze. Hein. Donc, il va y avoir un deuxième. Mais on va parler de projet plus tard. On va les aborder. Il y a Joker qui est sorti cette année. Alors, Joker, je vais pas le présenter. Hein. C'est encore une fois une interprétation du personnage. Alors moi j'ai vu ce film, j'ai trouvé Joaquin Phoenix particulièrement bon, il est vraiment excellent, et je pense qu'il a mérité sa récompense, il va peut-être être nominé aux Oscars, il joue bien, mais je reste assez mitigé sur certaines choses, notamment ses forçages de... ses fagons raccrochés avec la mythologie du Batverse. Je pense que de faire un film avec le personnage du Joker complètement indépendant aurait mieux rendu. Puis même, j'ai quelques réserves sur l'écriture du personnage quant à son passif. Donc, je ne vais pas spoiler parce que le film est sorti il n'y a pas très longtemps. Tout n'est pas bon, mais tout n'est pas mauvais, tout n'est pas acheté. Je trouve que le film est assez agréable à regarder. Il y a quelques moments très durs, c'est assez violent parfois. Mais tu as une excellente interprétation, ce qui fait la force du film. Maintenant, comme j'ai dit, il y a toujours des réserves sur les scénarios. Après, c'est comme on en avait dit dans un précédent podcast, hein, c'est vous pouvez nous sortir de l'univers de Batman, faire un film Joker, c'est pas gênant. Mais si vous voulez le raccorder à tout prix, ça peut faire l'effet inverse, ça peut le couler. Ça l'a pas coulé, mais ça provoque ce que j'appelle des lourdeurs narratives, tu sais. Ça avait pas besoin de là. On voit que la production a encore mis son nez dedans, quoi, tu vois. Faut le voir quand même, hein, si on est un fan de Batman. Donc, les projets, donc, c'est pour 2020. C'est, déjà, dans un premier temps, il y aura Bird of Prey. On a déjà discuté du trailer. On a trouvé ça très mauvais. Ah, c'est girly, enfin, hein. Ouais. Je sais bien que c'est le girl power en ce moment, mais là, ils ne desservent pas la cause hein, du féminisme. Au contraire, hein, ils partent dans tous les clichés. Hein, ça pète dans tous les sens et c'est girly, il y a des paillettes. Wow. Puis, il y a un vrai problème, c'est que c'est Bird of Prey, c'est pas Harley Quinn. Ah, aussi. Encore une fois, est-ce que toi, tu vas garder en mémoire qu'il y a un Tress dedans, il y a Black Canary, et puis il y a un Montoya, et puis il y a d'autres personnages féminins. Non, ça va faire l'effet Suicide Squad, tu vas garder t'as que... Un méchant qui est complètement ridicule, qui est joué par un acteur qui est très bon pourtant, c'est Evan McGregor, et qui joue Black Mask sans son masque d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très flashy, il y a plein de couleurs, c'est ce mélange de rose et de... Mais on est dans la caricature, dans le stéréotype, mais le plus mauvais qu'on pouvait avoir, quoi, pour le trailer. Maintenant, le film, je pense pas qui va être bon pour autant, c'est ça le problème. Moi j'ai vraiment de mauvais a priori pour ce film, hein, je le dis, hein. Ah, y a pas des bons relents pour l'instant, non, hein, c'est... Puis tout le marketing est sur Margot Robbie, je suis désolé. Ah, tout, ouais. Oh, ouais. D'ailleurs c'est Birds of Prey, l'émancipation d'Harley Quinn. Bon, je crois qu'ils peuvent s'arrêter à Harley Quinn, hein, ça passe. Oh, ouais, ouais. Le second projet aussi qu'il y a, bah, y en a deux en cours, hein. Il y a le Suicide Squad, The Suicide Squad, attention, hein, parce qu'ils veulent le différencier en mettant un The devant. C'est le Suicide Squad de James Gunn, donc le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Et là, il veut soi-disant faire un reboot, mais il a repris 3 acteurs du Suicide Squad original. Donc, est-ce qu'il veut vraiment se démarquer ou est-ce qu'il va faire un autre film? Là, d'après ce que tu m'en dis, ça fait un peu film de Yes Man. Hein. Ouais, complètement. Et Gunn, il perd un peu de sa personnalité. De toute façon, Gunn, moi, je trouve que de toute façon, le Gardien de la Galaxie a fait un excellent travail. Sur le 2, j'ai trouvé qu'il était quand même un peu plus faiblard. Je sais pas pour toi, mais. Ouais, bon. Carrément, oui. Déjà, 2, t'as plus la saveur du premier. Non, t'as plus la. Non, dans le premier, là, tu prenais un grand coup de fraîcheur dans la gueule. Ça te changeait un petit peu de l'univers Marvel qui était là. T'as attaqué la face cosmique carrément. Voilà, mais dans le 2, non, tu te faisais un petit peu. Voilà, c'était redondant. Et puis l'histoire était pas gégène non plus. Elle est hein. pas terrible. Et puis en plus, je trouve que, ouais, comme tu disais, l'esprit nouveauté n'y était plus du tout. T'avais l'impression de revoir une certaine redondance. Déjà dans un deuxième, c'est déjà mal barré. Et voilà quoi. Mais, ouais, donc là, ça part dans le même style. Ça serait bien qu'il soit aussi frais que le premier, donc le Suicide Squad, mais. S'ils reprennent déjà 3 acteurs, ça risque de sentir le réchauffer à mort. T'as déjà celui qui joue Boomerang. Ouais, l'alcoolique. T'as celui qui joue le militaire, là, tu sais. Je ouais, ils sont remarquables. Hein. Putain, merde, comment ils s'appellent. Militaire. Et le troisième, ce serait Margot Robbie, bien sûr. Margot Robbie. Bon, Will Smith a eu la présence d'esprit de pas signer. Non, ça sent la daube. Mais... Will Smith est occupé avec Bad Boys numéro 3, qui a pas l'air très bon d'ailleurs. Rick Flag. Rick Flag, ouais, allez, ouais. Fallait que ça revienne. Donc Rick Flag, Boomerang Boomerang. Emma et Harley Quinn. Ouais, super. Peut-être qu'ils vont faire revenir notre ami Psychnote, hein, on sait pas. Ouais, ou Jared Leto. Bah non, Leto, apparemment, ils veulent pas du Joker dans Leto. C'est vrai qu'on a oublié de parler de la prestation de Jared Leto dans Suicide Squad, qui est quand même la plus mauvaise prestation de Joker pour moi. Oh, carrément. Qu'est-ce que c'est que ce wesh machin? Ouais, c'est un... ouais, voilà, exactement. C'est un gangster rap, quoi. C'est un gangster rap Joker, ouais. Wesh. C'est ça, quoi. Mais bon, mais pour Suicide Squad 2, bah, je le sens pas, j'ai même pas vu une bonne annonce, mais je le sens pas non plus. Je sens que le film de studio qui veut marveliser les films, c'est tout. Puis enfin, le dernier qui va arriver plus tard, je pense 2021, c'est le film de Matt Reeves. Alors là aussi, ils ont mis The Batman avec notre ami Robert Pattinson. Il y a déjà pas mal d'acteurs qui sont déjà cités. Là. Il y a les acteurs pour Catwoman, pour Gordon, le Riddler, et puis dernièrement, il y a un autre truc. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire une espèce de fourre-tout avec pas mal de vilains. Et ça, je le sens pas déjà, tu vois. Bah déjà, s'ils commencent à multiplier les vilains, c'est qu'ils n'ont pas d'idée de scénar. Parce qu'ils vont pas développer les personnages, justement. Voilà. À moins de faire un film de 3 heures. 3 heures de Pattinson, ça m'embête un peu. Mais je suis resté sur toilette, hein, donc c'est un peu embêtant. Ouais. Est-ce que toi, t'as un commentaire concernant Batman, The Batman, ou les spin-offs? Aucun commentaire, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur les anciens podcasts. Mmh. Bon, les spin-offs, j'en attends rien. Quand j'ai vu Suicide Squad, comment ils l'ont massacré, alors qu'il y avait du potentiel. Mmh. Voilà, quoi. Puis, attends, les mecs, ils affrontent un turbo méchant de la mort qui tue, qui pourrait battre Darkseid, et ils arrivent à le battre. Donc, déjà, ça m'a saoulé. Et puis après, voilà, après The Batman, Pattinson, ouais, on lance beaucoup de trolls là-dessus sur Internet. Mais bah, pourquoi pas, ça sortirait un peu de son rôle de jeune premier, quoi. Mais ouais, ouais. En même temps, tout le monde avait craché sur Affleck, donc. Bah, sur Keaton. Keaton aussi, c'était Keaton aussi, donc faut, ouais. Je pense qu'il faut attendre de voir. S'il est aussi mauvais que ça, on ne gênera pas pour le tacler. Bah, je pense que si dans le premier trailer ou teaser, c'est selon, ou bien les premières photos, on voit que ça passe pas, je pense qu'Internet va se défouler, quoi. Ça, c'est obligatoire, quoi. Bah, Internet, ça se défoule tout le temps, hein. Ah, ouais. Vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a les trolls qui pullulent, quoi. Ben, je pense qu'on peut faire notre conclusion en disant, en souhaitant bon anniversaire à ce personnage mythique qui a quand même bercé notre jeunesse. 80 ans, je sais pas s'il est temps qu'il prenne sa retraite, parce que je pense qu'il y a encore du potentiel. Bah, il y a quand même la relève derrière. Hein. Il y a la relève derrière. Mmh. Après, ça va être dur de se renouveler, hein, parce qu'on a l'impression que tout y a été fait. Quoique Nolan y avait réussi à se renouveler, hein, mais ouais. Ça a quand même fait beaucoup d'entrées, ça a quand même été bien critiqué par la presse, donc il y a moyen de se renouveler, mais sur quoi là? Bah, surprise, hein, ça veut nous dire. Oui, d'autant plus que moi je m'inquiète parce que les scénaristes à Hollywood, ils perdent de plus en plus ce concept qu'on a, qui s'appelle créativité, et avec tous les sommes de remakes, de reboots et de machin, que les producteurs ne veulent plus prendre de risques, c'est vrai qu'on peut un petit peu s'inquiéter de la dérive de certaines licences, quoi. Parce que bon, Justice League, machin, il prévoit aussi un Aquaman numéro 2. Mm. Il voulait à un moment faire une espèce de spin-off sur Aquaman avec les créatures de la fosse, tu sais, non? Ouais. Et puis, bon, ça a complètement raté parce que de toute façon, ça intéresse personne. Est-ce que les producteurs vont encore pousser pour non pondre un Batman, bon, divertissant, avec plein de vilains, plein d'actions, avec des blagues et tout ça? Parce que les blagues, ça sied pas du tout au personnage, quoi, tu vois. Ah, Batman et les blagues, non, ça colle pas. Enfin, ouais. Si, dans les années 66, mais c'était pas pour faire des bons films. Mmh, voilà, moi, je serais curieux de voir s'il y en a un qui va faire comme Burton, c'est-à-dire prendre des risques. Parce que Burton, il a pris des risques. Hein, il a imposé sa vision et puis il a dit les conclusions carton. Moi je pense qu'il faudrait quelqu'un qui arrive à poser ses couilles et qui dit moi je prends des risques et puis vous allez voir si ça marche ou pas. Qui a une vraie vision d'artiste, parce que Zack Snyder, tout n'était pas mauvais ce qu'il avait fait. Il a abandonné le projet pour des raisons personnelles et on le comprend. Il avait quand même réussi à créer un certain univers cohérent, je veux dire dans Batman vs Superman, ce qui a totalement échoué dans Justice League. Et moi je regrette un petit peu que ce soit arrêté en route, parce qu'il aurait peut-être une vraie vision d'artiste et pas uniquement une vision de producteur qui veut du divertissement à tout prix, quoi. Ouais, puis qui veut du cash, rentrer dans l'investissement. C'est ça. Voilà, quoi, un petit peu notre avis sur les futures licences. Et puis bah, on est bien rendu bien content parce que on a réussi à faire ce gros dossier de plusieurs heures, on va dire. Et j'espère que vous l'apprécierez et que bien vous partagerez si vous l'avez aimé aussi. Un petit mot de conclusion pour les auditeurs, cher Teddy. Bah, moi j'espère aussi qu'on va faire 80 ans, mais ça m'étonnerait. Pour une petite note d'humour pour terminer, et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.